Bienvenue dans le podcast. Oh là, tu vas nous arracher les oreilles là avec ton démarrage. Mais quoi? Je peux pas donner la vraie raison sinon je vais me faire disputer. J'ai cru que t'étais en train de tomber de ta chaise. Vraiment, Maëva, ça a été comme un gros coup de fusil. Je vous refais le démarrage de cette émission, ça a vraiment été. Wow. Tu m'as explosé les tympans et je peux pas dire pourquoi, sinon je vais me faire engueuler par. Non, mais vas-y, dis la vraie. La dernière fois que j'ai utilisé mon casque, c'était la semaine dernière, oui, pour le blindlet. Bah, forcément, la dernière séquence de l'émission. Voilà, et donc du coup, j'ai mis très fort mon casque, désolé. Et là, tu viens de lancer un truc, ça m'a explosé les tympans. Ah, parce que ça. Ça fait mal quand le casque est à fond. Enfin, pas tu à fond, saignes de l'oreille. J'avais laissé un demi écran. Mais c'est pour vous réveiller. Vous savez, quand on démarre l'émission, on est toujours un peu engourdi comme ça. Là, je suis au taquet. Ça vous donne le petit coup de fouet pour démarrer cette émission. On est en podcast avec vous pour vous accompagner. Là, vous êtes entre Noël et le Nouvel An. Vous nous écoutez peut-être début 2024. Bonne année. Oh là là, on est avec vous pour vous faire des séquences qui vont vous faire marrer. En tout cas, on a tout fait pour. Je sais pas si. Mais on va tout faire pour que ça se passe bien avec plein de belles choses. Déjà, on va donner des exclusivités à nos auditeurs de podcast. Ah. Vous qui êtes en podcast, vous avez déjà avant tout le monde. Qu'est-ce qui sera dans le fallait nous le dire plus tôt? On va jouer avec quoi, Maëva? Je vais vous faire deviner quel est le mammifère le plus petit. Ah non, c'est pas ça. C'est quoi ta piège? Ouais, c'est ça. C'est ça, tu dis tellement. Non, quel est le mammifère qui dort le moins? Pardon. Le okay. Mammifère qui dort le moins. Le moins, ouais. Le moins. Le moins. Ouais. Je dirais ma voisine parce qu'elle frappe toujours au mur. Pourquoi? Moi, je pense qu'elle prend du plaisir. Oh. Félicitations à la voisine. Ah bon, on l'embrasse. Hein. On l'envie. Vous avez choisi une émission où tout est permis. On va normalement y aller très très fort aujourd'hui parce qu'on n'en a plus rien à foutre. C'est la dernière de l'année. Allez hop. C'est ça. On se rachètera une conscience en 2024. ou pas. Ou en tout cas, quand il arrive. Ce qu'il y a, oui, c'est ça. En radio, tout peut se casser la gueule. Vous qui nous écoutez en podcast, ça bougera pas. Ça, c'est au moins la valeur sûre. Et nous, on sera les premiers. Ah, excuse-moi, je suis tombé sur mon nez. C'est quoi, c'était. Pardon. Attends, mais explique ta blague pour les gens. On va se casser la gueule et voilà. Bon, là, je suis tombé sur mon nez. Voilà, merci. Wow. Je serai en concert partout. En pestac. Partout sur Bruxelles. Wow. Et partout ailleurs. Si on les laissait écouter le podcast, peut-être. Oui, c'est peut-être mieux. Peut-être mieux là, parce que on tire en longueur, ça sert un peu à rien. On vous embrasse et surtout. Je te souhaite une bonne année, remplie d'amour, remplie de rêves, et surtout de la santé, de la tendresse sans trêve. On a fait cette émission le 27 décembre et. Voici ce que ça donne. Oh, qu'est-ce que c'est que ce boucan? Qu'est-ce que vous faites? On fait un feu d'artifice, nien. Avec vos petits pétards, là. Quoi, faut un début à tout, hein. Attendez, le petit va nous jouer une petite berceuse, là. Oh. Hein, faut faire le plein de bonne humeur. Ça tombe bien, vous êtes à. Des 20h, c'est direct. On va rire, ce sera marrant. On s'en fiche du reste, on s'en fiche des autres. Les bons délires, ça, on leur fait confiance. Durant 2 heures, sans une prise de tête, c'est bien parti, on délire ensemble. Jadoule. Bon année. Jadoule. Dans la trappe. Jadoule. Tous les mercredis. Jadoule. Dans la trappe. 3, 2, 1. C'est Jadoul. Allez, voir ensemble, je vous dis des merguez. Et toute son équipe. En podcast. Happy New Year! Bonsoir, bienvenue. On est en direct avec vous pour vous accompagner. Mais quelle fête que c'est ce soir! On vous a prévu vraiment une émission qui est fabriquée sur mesure pour être entre Noël et Nouvel An. Waouh! Ah, wow. Magnifique. On peut pas faire mieux. Alors, c'est pour ça qu'on a fait un peu ce mood hybride entre retour à la vie normale et clochette. Ouais. Ouais. Il faut se préparer un petit peu. Hein. On n'a pas encore fini Noël réellement, même si c'est déjà derrière. Bah merci. Non, effectivement. Bon, alors, je vous rassure, pas de spécial Noël, pas de Mariah Carey ici. Nous, on a déjà archivé tout ça. En revanche, on a des trucs spéciaux pour le Nouvel An, pour juste s'amuser, se changer les idées, si vous faites partie de ces gens qui travaillaient, alors qu'on est pile entre les deux fêtes avec la moitié des gens télétravaillent ou sont en congé. Oui. On vous soutient, voilà. Où que vous soyez dans Bruxelles, vous êtes peut-être en train de conduire votre taxi, vous êtes en train de travailler dans un resto. On est avec vous pour vous accompagner et pour le fallait nous le dire plus tôt dans quelques instants, Maëva. Oui. Je le dis déjà ? Ah bah oui. Ah, on est parti, ok. Allez, oui, là, c'est, l'émission est lancée, parce que déjà... Je te souhaite une bonne année. Alors, je vais vous faire deviner le mammifère qui dort le moins longtemps. Ah, ça, c'est pas moi, parce que moi, je suis une vraie marmotte, moi. C'est vrai ? Ouais, le mammifère qui... dort le moins longtemps. C'est quoi ? C'est qui ? Mon patron. Ouais, je sais pas. Vous avez une idée ? De l'autre côté de la radio, n'hésitez pas, sur mon Instagram, Jajadou, là, vous pouvez me souffler la réponse. Non. Allez ! Non ! Tu triches. Bon, c'est le fallait nous lire plus tôt, ça arrive d'ici quelques minutes. On aura aussi, pour le pour-toi de la semaine, un truc en lien avec la date d'aujourd'hui. Je vous laisse déjà réfléchir. Il se passe quelque chose d'ultra important... le 26 décembre. hier. On l'a préparé hier, mais voilà. Bon, qu'est-ce qui pouvait se passer d'important ? Ah bah voilà. On va réfléchir à ça. Ah mais j'ai lancé plein d'interrogations. Ouais. Maintenant c'est à vous de gérer. Là, il faut faire creuser. Ah ouais, bah là attention, on va faire fonctionner vos cerveaux et il risque d'y avoir la fumée dans ce studio. Je vous propose qu'on fasse le tour de l'équipe pour savoir un petit peu vos résolutions pour 2024. Oui. Maëva, bonsoir. Bonsoir. Tu me poses une colle. Je m'attendais pas à cette question. Une résolution, allez, quelque chose, un objectif, ça peut être une petite chose comme un changement radical. Me mettre à fond dans mes projets. Ah, j'ai peur. Toute nue. Mettre à fond dans les cigarettes. Non, la réussite, être ambitieuse, être déterminée et motivée pour atteindre mes objectifs. Et arrêter de fumer. Je fume pas. Non. Et c'est quoi le nuage de fumée là qui te suit? Et pourquoi t'es venu avec un cendrier? Deux. Pour décorer. Ah bah c'est quoi, c'est ce qu'on t'a offert à Noël, nous. Kix, des résolutions pour 2024, bonsoir. Bonsoir, bah écoute, je vais essayer de déjà un peu moins bafouiller. Bon, bah ça, je pense que ça va encore. Oh. Je pense que par rapport à l'année dernière, ça va un peu mieux. Ça ne fait que 5 minutes d'émission. Et c'est vrai. Et sinon, me concentrer. La concentration. Mais après, je ne sais pas réellement si ça peut être une résolution. Savoir parce quelle séquence c'est quoi. Oui, c'est vrai. Ça aussi. Par exemple. Ne pas spoiler. Ouais. Ah oui. Par exemple. Non, mais là, aujourd'hui, il nous a enchaîné un truc. Enfin. Voilà. Les auditeurs, ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire? Et non, moi, je te dis simplement... C'est mieux, c'est le plus simple à faire. Merci et pour toi. Et toi, oui. Bah ouais. Ça nous intéresse. Ah, ça, il avait pas prévu ça. C'est vrai, j'ai pas prévu. Résolution. Ouais. Être moins pessimiste et avoir plus confiance en les gens. En nous. Entre autres. Non, les gens. Ouais. Geeks, toi, il va falloir un moment avant que je rattrape un peu de confiance en toi. Bon, ben merci pour vos résolutions 2024. Merci à toi. On va réécouter ce que vous avez dit il y a un an dans l'émission pour vos résolutions 2023. Non. Est-ce que vous avez, vous, des bonnes résolutions pour 2023? Moi, j'ai une théorie. C'est une bonne question. Bien fixe là-dessus. Kix, toi, t'as des résolutions? Non, pas du tout. Moi, peut-être arriver à l'heure au bureau. Ouais, c'est ça. Articuler. Articuler. Non, je ne tiens rien. Moi, je être organisé. Tenir des deadlines. C'est ça. Voilà, tout ça, tout ça. Ah, tu ne dis pas les tiens? Les tiennes? Oui, oui. Mais c'est j'ai vrai. Pas de résolution. Oh. Voilà. Moi, j'en ai pas de résolution. Je suis un mec aigri et je sais que je les tiendrai pas. Donc, basta, terminé. Quand j'ai un truc à me fixer, je le fixe là maintenant et j'attends pas le nouvel an. Et merde. Et merde. Il y a des gens, ils se fixent à ça et je connais plein de gens autour de moi qui veulent attendre le nouvel an pour avoir des résolutions, genre faire du sport. Eh bien, c'était très chouette ambiance l'an dernier dans l'émission. Ça m'étonne même pas. C'est normal en fait. J'étais un petit poil aigri. Ouais, ça devait être la période hein, aussi, il fait noir et tout, c'est un peu triste. Mais du coup, qui avait déjà les mêmes résolutions? Oui. Non, bah, chaque année, il n'allait pas les tenir. Là, il a été un peu plus ambitieux cette année. Ouais, j'ai essayé quand même. Bon, bah, on réécoutera ça l'an prochain. J'ai hâte. Le rendez-vous est pris. Merci de nous avoir choisis. On est avec vous. C'est Jadoul. Partout en podcast. Il faut absolument qu'on débriefe le 26 décembre. Événement. Ah. Mais ça ne vous dit rien le 26 décembre? Bah, pas comme ça de tête. Non, pas de... C'est en rapport avec la Belgique, en rapport avec... C'est belge. C'est belge. J'ai l'impression d'être dans les grosses têtes. C'est belge. Non. Ah, mais j'ai peur de donner une info et après devoir donner la vérité. Alors, c'est pas en lien avec une chanson. Ah bah non, t'as dit c'est belge. J'allais dire avec une chanson qui a failli être détrônée, tout ça. Oui, genre la Marseillaise. Bon, allez. Non, enfin. Non, mais ok, aucune idée. Bon, voilà. Vraiment aucune. C'est pourtant un jour super important. Nous sommes le 26 décembre et c'est le jour du roi du pâté gommé. Ah, le pâté gommé. Oh, c'est trop bon ça en plus. Quelle horreur. Vous ne saviez pas le pâté gommé que non. C'était Le jour du roi du pâté gommé. Et franchement, je vous emmène, enfin TV Lux vous emmène sur cet énorme événement. Et oui, donc la première place est pour Jean-Marc 560 de qualité. L'organisation de qualité. J'ai augmenté le son, je voulais entendre un peu plus fort, je crois que j'aurais pas dû. J'ai mal aux oreilles. J'étais désolé, hein. L'autre côté de la radio, vous voulez pas vous exposer le tympan. Il y a une bonne sono et un bon grand vainqueur, parce que c'est le vainqueur qui l'annonçait. On reconnaissait pas tout de suite. Et oui, donc la première place est pour Jean-Marcel avec 1,568 kg. Vous avez entendu donc, le Jonathan gagnant avec eh ouais, 1 kg, j'ai pas compris. Bon, la voix off va nous résumer parce qu'on a rien compris avec ce micro. 1,568 kg de pâté gommé, c'est ce que Jean-Marcel a réussi à manger ce matin, battant ainsi son record qui s'établissait alors à 1,400 kg. J'adore derrière, quel... ouais, ça continue. Le son qui continue à cracher, c'est horrible. Une bonne sono et un bon grand vainqueur, que demander de mieux? Bah, je vais dire quelque chose qu'on ne dit pas à l'antenne, mais il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Oui, il était censé arrêter en fait. Et au final, il a dit qu'il allait repartir pour une nouvelle année. Il y a 2 ans, il s'est dit je ne ferai plus ça et il y a retourné. Il y est retourné. Bon, ok. Moi, je pense que c'est son foie qui doit adorer. Mais je pense que dans 2 ans, je serai obligé d'arrêter. C'est parti. Et là, bon appétit, c'est parti pour 20 minutes. Mangez le plus de pâté gommé possible. Avec du café ou de l'Orval pour liquifier un peu le gavage. Ah, vous n'avez pas le droit, l'eau. Ah non. Oh, quelle horreur. Café ou la bière, l'Orval. Bon, ce n'est pas qu'un concours de bouffe en fait. Grâce au vainqueur, voilà, par 100 grammes mangés, 20 euros vont être distribués. Donc à cette association Soleil du Cœur. Oui, Soleil du Cœur. Bon, faut pas qu'ils aillent trop au soleil parce qu'ils vont caraméliser ou frire avec tout le gras qu'ils auront pris avec cet événement. Mais comme on est dans le Luxembourg, tout bon reportage se finit avec... Une Orval. Un Orval. Mais non, une fanfare. Ah, ah bah oui, c'est vrai. Et par pitié, on va régler leur micro là parce que c'est plus possible. Mais ils diffusent ça comme ça en plus. Oui. Mais alors, je vous rassure, c'était pas sur l'événement le problème, c'était le caméraman qui avait, à mon avis, mal réglé son micro. Ah, même les images et tout Ah, tout, mais tout le reportage était comme ça. Oh, mais c'est pas possible. Rio. Tous les mercredis. Oh my gosh. C'est avec Jadoul. Partout en podcast. Il est temps de faire le top 5. Et pire Noël, car oui, il y a eu un réveillon là qui s'est passé. Ouais. Il s'est forcément passé plein de choses qu'on n'aurait jamais aimé vivre une seule fois le jour de Noël. Peut-être que vous en faites partie de ce top 5, parce que je sais que ça n'a pas été de tout repos dans l'équipe. Ouais, on va débriefer ça dans quelques instants. Avant ça, voici le top 5 des pires Noël racontés sur Internet. En numéro 5, ma femme de ménage a rangé les calendriers de l'Avent de toute la famille. Oui, okay. Bon, rien de mal. Bon, rien de mal, c'est trop bien. Bon, elle les a rangés au-dessus du radiateur. Ah. Ah oui. On peut maintenant se poser la question de est-ce qu'on ferait pas plutôt du chocolat chaud? Comme il est à moitié fondu, genre, il suffit de retirer les emballages. Mais qui met ça sur un radiateur, quoi? Non, mais ça... ouais. Je sais pas. Mauvaise idée, très mauvaise idée. Ouais. On vous le précise. Hein. De toute façon, il est bouffé à cette heure-ci. Numéro 4. Aujourd'hui, on a fait une petite balade dans le marché de Noël du centre-ville près de chez moi. Avec, par sécurité, fouille obligatoire à l'entrée. Ah oui, c'est plutôt rassurant. Ah oui, on se fait fouiller à l'entrée par sécurité. Bon, bah c'est très bien. À l'intérieur de ce marché de Noël, un petit chalet proposait à la vente des couteaux de toutes les tailles. Bravo la sécurité. Ah oui, très utile. Ah bah une fois qu'on a passé le portique, tu peux te fournir, c'est bien. Ouais, c'est un peu le concept de l'aéroport, t'as le duty free après avoir jeté ta bouteille d'eau. C'est un peu ça. Les États-Unis, le marché de Noël. Bon, après, c'était pareil pour Maëva quand on lui a confisqué son jambon de poche. Ça a foutu en l'air tout son régime nutritionnel. Il a fallu qu'on la calme. Elle voulait tout bouffer. J'ai pas mon jambon de poche, je vais tout manger. Alors que franchement, le vigile aurait pu se contenter de juste confisquer son horrible chien. Oh, non, par contre, tu t'attaques pas à mon fils. Tu vois, ça me... Non, pas Dobby. Mais il parle un peu comme toi. Dobby, oui. Il écrit comme elle aussi sur les claviers quand il pose son chien qui s'endort dans le texte de l'émission. On l'a déjà vécu. En numéro 3 des pires Noël, ma demi-sœur et ses enfants ne pourront pas être présents au réveillon de Noël. Ma mère est tellement déçue qu'elle a décrété que ça ne servait à rien de fêter Noël dans ces conditions et donc a décidé de tout annuler, ce réveillon qui s'organisait chez moi. Moi, sa fille. Ok. Attends, la mère a annulé le réveillon de sa fille. Parce que la demi-sœur, okay. Bon, voilà. Ah bah, c'est cool, hein. C'est là que tu te rends compte que tu fais partie des meubles. Ouais. Pas beaucoup d'importance. Hein. En numéro 2, mon chéri a donné plus de temps et d'argent pour le cadeau de Noël de sa collègue que pour moi. Oh non, aïe. Le loser. Il y a de quoi se poser la question sur ce Gérard Boulot qui lui envoie des SMS tous les soirs. Étrange. Ne changez pas les noms de vos ex ou de vos amants dans vos répertoires par des gens du taf parce qu'à un moment, ça finit par se savoir. Attends. Géraldine Comptabilité. Oh, c'est toi qui viens de recevoir un message là ? Ouais, attends, j'appelle. Allô ? Oui ? Ah, bah, c'est pas Géraldine ? Ah non. Bah merci. Voilà. Un sketch de grande qualité. Wow. Et en numéro 1 des pires Noël. Je viens d'apprendre que je ne suis pas invité à fêter Noël dans ma famille cette année. Oh bah nickel. Ouais, ça, ça fait mal. En revanche, mon ex a été convié. Alors, s'intégrer à sa famille et à sa belle famille, c'est bien. Désintégrer la famille, ce n'est pas bien non plus. Je tiens à vous le préciser, c'est important. Ah, quel bonheur. Dans un instant, le fallait nous lire plus tôt, Maëva, pourquoi est-ce que les méduses sont des mammifères? Non, les mammifères qui dorment le moins, c'est lesquels? Ah, quels sont les mammifères qui dorment le moins? C'est ça. Je vais aller voir sur mon Instagram si vous m'avez déjà soufflé des trucs, on est en direct, hein, 20h21. T'as la réponse, est-ce que, non? Est-ce que c'est le lapin? Non. Le hamster? Non. Bon. Voilà, n'hésitez pas à être un peu meilleur. Il participe, du coup. Ouais, il participe. Ouais, c'est plutôt. Faites-le aussi, du coup. Ah, ça fait plaisir de vous voir de plus en plus nombreux sur mon Instagram, Jajadoul, d'ici quelques minutes. Le fallait nous dire plus tôt, on aura enfin la réponse. Pourquoi est-ce que la mammifère respire? Et on va surtout avoir enfin notre invité. Oui. Notre invité qui est, pour rappel, Philippe Etchebest. J'ai l'impression qu'il vient toutes les semaines, lui. Non. Non? C'est une impression, il est déjà venu, mais pas dans cette séquence. Ah, il fait il y avait un peu juste des séquences. Sons, ouais. Ah là, d'accord, j'ai compris. Avant ça. Même en période des fêtes, la radio a besoin d'un... Un peu de pub, un peu de sous. Des sous-sous. Besoin primaire. Argent. La page réclame qui va suivre vous est offerte par Radio Falminioul. Le New Beaugency à Blaton est une maison de repos et de soins, vous proposant la tranquillité dans un espace arboré et fleuri. Le New Beaugency dispose de 93 lits qui se sont affaissés au fil du temps, dont 4 courts séjours de plus de 25 ans, 60 lits de soins, pouf, petits fauteuils, d'une aile sécurisée, ainsi que d'une forêt, des marionnettes, un cochon et de la pluie. Au New Beaugency, vous trouverez tout le confort nécessaire au bien-être des résidents. Ils sont découpés, broyés et traités afin de se retrouver dans un divan relaxant ou un coussin confortable. Un personnel agréable qui prodigue des soins et une assistance quotidienne de qualité. Une nourriture variée et recyclée ainsi que d'une vaste gamme en alcool proposée par les adorables Vilaines. Pour toute information ou frigo bahut, contactez le 069 00 ou visitez le site www.letempsquipasse.com. La publicité que vous venez d'entendre aidera Radio Falminioul à payer le courant. Merci. Écoutez ma belle voix, suave et envoûtante. Eva. Profitez-en, parce que Jadoul est de retour et croyez-moi, lui, c'est tout l'inverse. Waouh. Jadoul, tous les mercredis, en podcast. J'en ai marre de me faire tailler par les jingles. J'espère que l'on... Voilà, résolution pour 2024, les jingles sont gentils avec moi. Bon, c'est noté. Non, c'est enregistré. Ah, c'est enregistré, parfait. Et je le note aussi. Monsieur Brut, ça vous grandit. Passons à l'interview brutale. Pardon. Waouh, qu'est-ce qui t'arrive? Mais c'est le il principe. Il a des spasmes. Mais non, l'interview brutale. Ah, d'accord. Ouais. Un petit peu de brutalité dans ce monde de brut. En fait, c'est simple, on prend une interview du média brut. On en garde les... Bah, les réponses. Et vous vous faites des questions. Drôle. Plus drôles. Ah non. Tout le monde suit, c'est bien. Qu'est-ce qu'il dit à ça, monsieur Brut? C'est très bien. Il dit rien. Aujourd'hui, notre invité sera... Philippe Etchebest. Pardon. J'ai entendu dire que t'as raté ton examen de Noël. J'ai raté un examen, oui. J'ai pas échoué, j'ai raté mon examen. Et pour quelle raison? J'avais pas assez travaillé. Bah oui, ça, j'imagine que t'as préféré compter tes cheveux plutôt que de bosser. C'est très violent. Bah, je sais. Bon, écoute. J'ai raison ou j'ai pas raison? Je ne m'en rappelle plus. Fais le malin, hein, je suis sûr que c'est ça. Tu fais la même chose chaque année. Pas naturel, ça. Je vous avais pas très très bien coupé, mais ça ferait la fête. Ah là là, j'ai pas gagné des poires, là. Ah là là. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Ouais, bah oui. On y va, les premières réponses sont... J'oublie vite. Ah, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il faudrait que moi je sois moins rancunier en 2024. Maëva. Quand en gueule de bois, je me promets de plus jamais boire, mais... J'oublie vite. Bah oui, si tu te promets quand t'es torché, bah forcément, ça reste pas. À chaque fois que c'est à ton tour de faire la vaisselle. J'oublie vite. Désolé, Kix. Un peu plus drôle, Maëva. Les deux n'étaient pas très recherchés, mais... Bah, bon, allez. Oh, ça va, j'ai le droit de vous dire les choses. C'est vrai, généralement, quand on doit faire la vaisselle, c'est toujours... tu viens faire la vaisselle? Silence. Deuxième question, Maëva. Quand je pense au fait que Maëva Guénam est célèbre. Est-ce qu'il y a du talent? Peut-être un petit peu. Pouf, non, en fait. Bouf, ouais, t'as raison. Non, non. Non. Kix, ta réponse quand ton enfant t'offre un dessin et qu'il te demande si c'est beau. Est-ce qu'il y a du talent? Peut-être un petit peu. Oui, juste parce que c'est ton enfant. C'est pareil pour les spectacles de fin d'année. Oui. Quand ils sont tous sur scène et que tu filmes et qu'ils sont là en train de chanter. Je te souhaite une bonne année. Toi, dans ta tête, t'es juste là en mode chante bien. Pas moyen. Bon, ça va, les deux là, c'est bon, ça passe. Yes. Dernière. Philippe, pourquoi je suis toujours célibataire? Philippe, pourquoi je suis toujours célibataire? Y a pas de miracle. Ah bah, c'est sûr. Ah oui, ça fait mal, Philippe. Kix, la première chose que mon ophtalmologue m'a dit. Y a pas de miracle. Oh, elle est bien celle-là, oui! Wow. Allô, SOS Détresse? Je suis au bout du rouleau là. Qu'est-ce que je dois faire? Allô? Allô? Je ne vous entends pas. Appuyez sur le bouton. Jadoul. Allô? Et toute son équipe. En podcast. Allô? Rappelez-moi d'une cabine qui fonctionne. Toujours une fête ambiance dans cette émission. Allez, on y va. Fallait nous dire plutôt une question que personne ne se pose, mais dont Maëva a la réponse cette semaine. Qu'est-ce qu'on ne trouve jamais dans les casinos de Las Vegas? Non, ça c'était la semaine, la semaine passée. Maëva? Oui, j'ai pas mis à jour le texte sur la Google truc. Eh ben. 27 du 12, j'ai la question la semaine dernière. Pardon. J'ai mal fait mes devoirs. Alors que moi, dans mes jeux, je mets les réponses. Oh, hey, ça va toi? Bon, j'ai même pas réussi à viser Maëva en faisant une boulette de papier, donc pour vous dire que rien ne va comme on veut dans la vie. Du coup, la question du 27 décembre, c'est quels aujourd'hui. Sont... Oui, aujourd'hui, c'est quoi le mammifère? Enfin, quels sont les mammifères qui dorment le moins? Merci. C'était le bruit de quoi, ça? Une chasse d'eau. Alors, le mammifère qui dort le moins... Et on est fatigué, ça va. Le mammifère qui dort le moins, la mouche. C'est un mammifère, ça? Non, c'est un insecte. Bon, ça va. Un mammifère. Oh là là. J'ai été beaucoup à l'école, moi, ça se voit, non? J'allais dire la marmotte, mais justement, c'est l'inverse. Bah, je vais regarder un peu sur Instagram ce que vous m'avez déjà fait. J'accepte deux réponses. Ah, c'est un animal domestique? Le chat? Pas du tout. Non. Pas du tout. Qui dort le moins? Ah, pardon. Non, oui, moi, c'est ça. Oui, bah nous, on fait tout l'inverse. Qu'est-ce qui dort le domestique, moins? Une panthère. Allez, aidez-nous si vous nous écoutez. Bon, franchement, je l'ai pas. Kix? Bah, moi j'ai oh là dit. Là. Non, ça fume. Regarde-moi avec tes yeux. Ouf, c'est vide. Ah, c'est très vide. Allez, bon, bah, on veut la réponse, Maëva. Alors, comme je disais, il y a deux réponses. Il y a le dauphin et la girafe. Alors, le dauphin, c'est un petit tricheur parce qu'en fait, il a la particularité. La baleine, on me dit, la baleine! Non, le dauphin! Ah, le dauphin! Il a la particularité de dormir d'une manière qu'ils appellent le sommeil uni-hémisphérique. Ouais. C'est-à-dire. Oui, non, j'ai déjà donné la réponse. La baleine! Non, j'ai déjà donné la réponse. C'est le dauphin et la girafe. Le dauphin! Oui, oui, voilà. C'est parce qu'il a le dauphin, donc il ne peut pas dormir dessus. On a compris ta blague, Kix. Ah, ne la répète pas, par pitié. Non, j'allais pas le faire. Donc du coup, le sommeil uni-hémisphérique du dauphin, ça veut dire qu'il va, d'un hémisphère de son cerveau à droite, puis gauche, droite, gauche. Et donc en fait, il dort jamais parce qu'il alterne et ça lui permet de rester conscient et de pouvoir nager, respirer, surveiller les Est-ce prédateurs. Est-ce qu'on peut greffer un hémisphère à Kix? Au moins juste un, pour que l'intelligence se balade au moins dans un des hémisphères. Je ne sais pas, faudrait faire des tests sur les dauphins. Mais ouais, c'est pas gentil. Ah ouais, et c'est quel animal que t'as dit qu'elle a quatre estomacs ou quoi et que c'était pas du tout ça? C'était la vache, mais j'avais pas dit quatre estomacs, je sais plus ce que j'avais dit. Il avait dit autre chose que quatre poumons, je crois, une connerie pareille. Oui, mais je m'étais trompé, c'était en soirée. Oh là là, on va dire ça. Et sinon, on a la girafe aussi qui dort juste deux petites heures par jour et en pleine forme. Et elle peut même survivre en ne dormant que 30 minutes par jour. Et bonus, elle dort debout, elle a même pas à se coucher, la teug, donc voilà. À se coucher la quoi? La teug. Elle se coucher là. Elle dort debout. Et ouais, debout en plus. Deux heures par jour, debout, mais what? Énorme. Et sinon, j'avais un petit bonus, c'est l'animal qui dort le plus, mais c'est facile ça. Moi. Si vous l'avez pas, franchement, tout le monde. Le paresseux. Le chat? Non. Attends, qu'est-ce qui dort le plus? Kix, quand il faut préparer l'émission. C'est mignon, c'est mignon. Mais c'est, j'avais dit une marmotte tantôt. Ça dort une marmotte? Mais c'est mignon, enfin, c'est tout doux. Mon chat. Mais, non, pas ton chat. Qu'est-ce qu'il dort? Un lapin? Un panda? Oui. Un koala? Oui, le koala. Voilà. C'est 20 à 22 heures par jour. Waouh. Bravo. Sur 24 heures la journée, c'est quand même un peu. Presque comme moi. Il doit pas planifier des trucs dans sa journée parce que. C'est presque comme moi, puis il bosse deux heures. Oui, c'est ça. On vient de trouver tous les problèmes de ta vie en une séquence. Je suis un koala. Respect pour le koala. Free the koala of the émission. Incroyable. Merci beaucoup, Maëva. Attention, selon la science et quelques prédictions savantes, maintenant, Kix risque de faire une séquence en français et sans bafouiller. Non, je déconne. Jadoul, tous les mercredis, partout, en podcast. Bonjour. Bonjour. Maïté, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous avez un charmant appétit, comme on dit en Gironde, un charmant appétit, comme parce que vous nous avez mis de tout. Moi, je vois de tout devant nous. Je vois de la viande, je vois des légumes, je vois des fruits, je vois du fromage et je crois que je vois même du poisson. C'est bien. Ça, et puis en plus, c'est bon. Alors, qu'est-ce que vous avez l'intention de nous faire avec tout ça? Bah, une émission, enfin. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous décrivez ça comme si c'était une table. Mais non, il y a Kix qui est là avec les lunettes. Dis bonjour à Maïté. Bonjour Maïté. Non, avec joie. Ah pardon. Bonjour Maïté. Voilà. Et il y a Maëva qui est là. Bonjour Maïté. Ah, vous avez vu, Maëva est là. Et maintenant Maïté, il faudrait peut-être cuire cette dinde que vous avez ficelée comme un saucisson. Comment qu'elle saucisson? Ne puisse pas gigoter sur la broche. Exactement. On va la mettre dans la cheminée. On va la mettre dans la cheminée. Mais non, c'était sa robe, enfin. Mais non, arrête. Vous pouvez pas dire ça. Que t'es méchant. Moi? Toi? J'ai rien à voir. J'ai une bonne résolution pour toi. Arrête d'être méchant avec moi. Pardon? Non, rien. Tu vois, tu me fais des proutes alors que je te parle. Ça va rappeler des souvenirs à Maëva, ça. T'as pas envie de nous raconter ton réveillon de Noël, toi? C'était la pire transition possible. Et maintenant, Maïté, il faudrait peut-être cuire cette dinde. Allez. Mais non, mais. Mais dis-nous, au lieu de. Mais il n'y a pas que ça, c'est l'accumulation de tout. J'ai passé le pire Noël c'est de tous le les Noëls de l'hiver. Ça a commencé le samedi quand j'allais pour le réveillon. J'étais sur l'autoroute et mon pneu a explosé. Mais genre, vraiment explosé, ça a fait un. Vraiment énorme. Il y a eu de la fumée. Moi, j'ai cru que c'était mon moteur qui explosait, donc je me suis mise à pleurer d'abord. Puis j'ai quand même essayé de me garer. J'ai vite attrapé Dobby qui était dans la voiture et je suis sortie parce que je me suis dit, si c'est le moteur, ça va exploser. Mmh. Et en sortant, je me suis rendu compte que c'était pas le moteur mais le pneu. Du coup, j'ai un peu. Elle a pris Dobby comme Christine. J'ai un peu pleuré sur le bord de la route. Faut préciser. Oui, Dobby est mon chien. Et j'ai pleuré sur le bord de la route et heureusement, la police est venue et ils m'ont aidé à changer mon pneu. Bref. Merci du coup, la après, police. Je suis allée pour. Merci Bertrand Carroix. Non, c'était pas lui. Du coup, je suis quand même arrivée pour le réveillon. Le réveillon, au final, on avait décidé de le faire tranquille, genre à la maison, en pyjama, famille, télé. Donc voilà, jusque-là, je me dis, bon, ça change, c'est pas si mal. C'était tellement tranquille qu'on s'est endormi, on n'a pas vu minuit. Wow, donc bravo. Le réveillon, c'était déjà pas ouf. Je me dis, c'est pas grave, le vrai jour chez moi, c'est le jour de Noël. On le fait avec, avec ma soeur de mon âge, etc. Elle avait prévu plein de trucs bons à manger. Je me suis dit, ça, je vais me rattraper, on s'y met, on s'y met. On a commencé à 18h30. À 21h, j'étais couchée. Enfin. À 20h, j'étais sur les toilettes. ça fait longtemps. Et je ne les ai quittés que ce matin. Voilà. Ah, c'est pas fini, visiblement. Non, c'est pas. J'ai des séquelles. Voilà. Du coup, j'ai rien mangé de tout mon Noël. J'ai perdu un pneu. Ça m'a coûté super cher. Mais écoute, t'as bien fait de venir. Et voilà. J'espère qu'on n'aura pas le même problème. Franchement, plus ça a passé, plus je me disais, je comprends le Grinch et Scrooge combinés. Enfin, okay. Voilà. Ils ont. Ouais, qui n'aiment pas du tout Noël et les fêtes et tout ça. Et Jadoul, je comprends Jadoul aussi. Quoi, moi j'adore Noël. Non mais t'as les mêmes problèmes. Non, mais j'ai passé de super fin. Ah, attendez, non, j'ai l'impression qu'il y a une interruption spéciale dans l'émission, Maëva. Madame. Non. Ici, c'est la police. Oh non. La police du seum. Merci de vous rendre. Vous avez une vie qui nous a complètement déprimés. Oui, je sais. Même le Grinch a honte de vous. Mais... Nous désirons que vous arrêtiez immédiatement d'organiser des événements, de prendre votre Pouffiat. Tel est le nom de votre voiture. Avec un pneu en moins. En plus. Que vous laissiez les forces de l'ordre tranquilles. Et essayez de garder, s'il vous plaît, votre horrible chien... Loin des gens. Mais laissez mon fils tranquille. Votre fils. En plus, elle est atteinte de démence. Non mais c'est fou. Faut arrêter ça. Sinon, j'aimerais en profiter pour souhaiter un joyeux Noël à tout le monde. Oh, ça va. Pour que bon. Maëva. Bah c'est ma. Bah oui. J'adorais. C'est à moi que vous parlez. Mais qu'est-ce que. Et maintenant, Maïté, il faudrait peut-être cuire cette dinde. Blou blou. Oui, ça va, et c'est très maladroit. Maëva? Oui. Mais ça fait des fois que je te lance. Mais oui, ah pardon, c'était... Ah oui, mais je... Ok, mais je vais parler de Disney. Mais non. Attends, il y a un problème de rythme. Mais j'attends la fin du bim bim du... Ok, boomer. D'accord. Et si tu veux bien... Ils sont raccro ici. Hein. Ce qu'on va faire... Hein, allez, on va recommencer comme si on n'était pas en direct. Ok, d'accord, ok, c'est et bon. Et comme ça, genre, tu vois, on fait de la radio depuis longtemps. Ouais. Et ça fonctionne et c'est super fluide. Ok. Ça, c'est l'émission du 27 décembre alors. Oui, on fait comme si on était le 27 décembre. D'accord, ça va. Okay. On coupera ça. Hein. Ouais. On coupe au montage. Merci. Vous notez. Hein. Ils vont y croire. Tous les mercredis, c'est avec un bon morceau de gâteau. Et c'est avec Jadoul. En podcast. Eh bien voilà, merci Simone. Non, elle ne s'appelle pas Simone, elle s'appelle Maëva et maintenant c'est le... Okay. Et le principe est très simple, elle va vous résumer une actualité pour ne pas que vous passiez pour un gros boomer. Voilà, là tu m'as lancé. Elle revient plus. Mais le toupet de cette meuf. Le toupet. Tiens. Je vais vous parler des villages Disney. Oh. Mais oui, un peu chouette. De magie de Disney, enfin un peu bof quoi. Parce que... non mais... L'histoire est un peu chelou. Donc ils souhaitent créer des villages Disney. Donc ça s'appellerait un story living. Okay. Ce serait prévu pour 2027, si les délais sont respectés. Et au programme, c'est la construction d'un quartier résidentiel qui s'appellerait Astéria. C'est en Caroline du Nord, donc l'Est des États-Unis. Et il y aurait plus de 4000 maisons, dont certaines destinées à des seniors. Oh bah vrai. Et ce serait vraiment un univers Disney partout en fait. On vivrait dans le monde de Disney. Le but vraiment est présenté comme... Un overdose quoi. Mais c'est stylé. Donc il y aurait plein de, comme dans le parc, hein, plein de décors, ouais, Disney, de déco, etc. Ouais, et le but est de vivre comme dans un dessin animé. C'est vraiment ce qu'ils disent. Donc juste la bonne humeur, juste. Alors le prix, je vous en, enfin, il y a oui, même ça. Pas vraiment de prix fixé, mais il y a que les riches qui vont pouvoir se payer. Rien que les hôtels actuellement à Disney, par exemple à Paris, tu regardes les prix, tu pleures déjà. Hein. Oui c'est ça vraiment. Et ils appellent ça, c'est décrit comme une oasis dont le but c'est de rencontrer de nouveaux amis, partageant l'objectif et de pleinement vivre sa vie. Wow. Une oasis, c'est pas un mirage. Alors, c'est un peu utopiste et je trouve ça même un peu chelou parce que vu les prix, vu la classe qui est fixée, il y aura aucune diversité. Ah ouais. C'est les gens riches. Enfin voilà, je voudrais pas montrer du doigt, mais non, je comprends. Ça me semble un petit tu peu. Tu dénonces. Mais ben, oui, vraiment. Et alors, petit coup de gueule. J'ai fait quelques recherches sur le sujet parce que en fait moi j'ai vu ça, je me suis dit oh trop bien, puis bah en cherchant un peu c'est un peu chelou le projet. Oh là là, vraiment... ça part en coup de gueule. Mais non. Attention, Maëva va donner son avis tout de suite, elle va désinguer le parc. Elle remet sa chienne en place. Ah non, pas du tout, je suis une très grande fan de Disney, mais là pour le coup vivre à l'extérieur du monde entre 4000 personnes, enfin avec 4000 maisons dans un monde Disney pour vivre comme dans un dessin animé avec que des gens riches etc., où on peut se permettre les petits plaisirs de la vie, ça me semble un peu moyen. Et le projet, c'est pas la première fois que ça voit le jour. Enfin, que ça a été fait. Ça a déjà été fait par Disney, sauf que ça avait été un gros fiasco. Il y avait eu plein de délits, etc. Et ça avait dû être annulé en plein dans l'expérience. Et pour rappel, ça se passe où ? En Caroline du Nord, aux États-Unis. Donc on n'ira pas, quoi. Ok, ouais, dans tous les cas, on n'ira pas. C'est peut-être pour ça que j'ai le seum. Non, mais voilà. Incroyable. Donc des magasins, des restaurants, des établissements dédiés aux soins de la santé. Tout Disney. T'auras un pansement Disney, t'iras à l'hôpital Disney. Et ce sera comme un dessin animé. On ne peut être que de bonne humeur et joyeux. Ah, donc il n'y a pas de bandits. Non, ben non, il n'y en aura pas. Ah, moi, je veux vivre là, hein, parce que j'en peux plus, moi, des sirènes, des ambulances ici. Sur le rond-point de Mézières, j'ai l'impression que c'est. Franchement, alors, amis. Attends, c'est mon tour pour le coup de gueule là. Alors, amis ambulanciers, policiers, vous êtes dans la zone Scarbeck-Evert. Je vous pose une question. Qu'est-ce qui se passe dans votre esprit pour qu'à minuit, 3h du matin, vous traversiez toute ma rue avec le. Le gyrophare. Le tonal et ouais, tout. Mais le crime. Mais le crime, très bien. Et le crime de me perturber pendant mon sommeil. J'ai du double vitrage, ça suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Je vais aller les arrêter à leur place, les bandits, et comme ça, moi, je dormirai tranquille. Non, mais on sait qu'ils font un travail de fou et c'est décourageux de travailler la nuit. Ah oui. Mais en silence. En silence. Allez, s'il vous plaît. Merci, c'est pour la bonne cause. Bisous les policiers. Si son poing a cassé l'écran tactile du studio, ce n'est pas un excès de colère. C'est la faute de l'écran qui s'est trop vite approché de lui, sans jouer le son que Jadoul tentait de diffuser. Jadoul. Tous les mercredis en podcast. Je pense qu'il faut faire un tout petit disclaimer, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas contre ? Ah, pas du tout. D'accord, ben on y va. Vous êtes dans le FaceTime, une séquence animée présentée par Kix. Vous allez traverser une zone de bafouille. De bafouille, vous allez vous embrouiller. Vous n'allez rien comprendre à ce qui va se passer dans les 5 prochaines minutes. Mais c'est normal, c'est un jeu qui vous est expliqué par ce jingle. Bébé, s'il te plaît, c'est l'heure du FaceTime. Vous allez jouer en 3 manches. Kix va vous faire deviner des stars avec l'aide de 3 indices sonores pour chacune de ses personnalités. Dans ceux-ci, ça peut être un bruitage, un extrait d'interview, ça peut paraître bizarre. Une musique, en clair ou en distordu. Soyez vigilants. Durant une même manche, ces 3 sons peuvent former un rébus ou alors être tout à fait explicites. Réfléchissez à voix haute. Mais si vous pensez avoir la réponse, appuyez sur votre buzzer. Bonne partie. Et que le meilleur gagne. C'est l'heure du FaceTime, à table FaceTime. Jadoul, Maëva, oui. Vous êtes prêts? Oui. Oui, bien sûr. Qui va gagner cette semaine? Je teste mon buzzer. Vas-y. Coucou. Merci. Non, c'est pas ça. Vas-y Kiki, c'est bon. Non, c'est pas ça non plus. D'accord, bah, excuse-moi, ça va, on a le droit d'innover un peu. On peut pas normalement, ça doit être Jadoul, ça doit être quelque chose comme ça, je pense. Ça doit dire notre nom? Non, bah, en théorie. Oh, c'est pratique ça. Oui, c'est bien. Allez, fait. Allez, je le teste. Pas bien. Voilà, et Maëva. Voilà. Bon, ça vous dit, on mise un petit peu, voir qui va gagner cette semaine? Oui. Ok. Bon, je dirais l'un d'entre nous. Ok. Bon, bah, je dirais que je vais gagner. Tu penses que tu vas gagner, Maëva? Je me sens en veine et Maëva, elle est aux chiottes. Non, mais elle est un peu barbouillée. Les gars, merci d'avoir mis une rallonge sur le micro. Ouais, en fait, ce qui serait drôle, elle c'est fait que... un duplex. Ouais, c'est un duplex et les toilettes. Non, ça va. En vrai, je m'accroche. Bon, on commence avec la première personnalité. Premier indice? Non. Tu veux pas? Bah oui, évidemment, oui. Attention. Ah, salopette, survête les gars, j'ai une gueule à mettre du taquini ou pas? Comment ça se passe? Alors, une idée? Avec ce premier indice? Déjà, c'était une. Ah, j'ai pas réussi à me concentrer sur la voix, je me sens bête. Bon, t'es pas concentré sur la voix. Maëva, une idée, non? Non, je sais juste que c'était. Deuxième indice? Je sais juste que c'était une interview combinée, mais. Bien, mais c'est pas ça. Ça va du pas coup, aider. Deuxième indice. Deuxième indice. Jadoul? Je dirais Déco, enfin Valérie Damido. Bonne réponse, c'est bien ça. Valérie Damido. T'allais dire quoi, Maëvart? La même chose. Bah voilà. Mais t'as buzzé avant moi. Bah oui, mais le bras était lent, le mouvement ouais, vers le buzzer était lent. Pas sûre. Ah, t'étais hésitante. Avec le troisième indice qu'elle a avec. J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. J'aimerais trop qu'elle m'aime. Pourquoi? C'est Valérie. Bah Valérie, Damido. Ah, ben oui, ben oui. Allez, on continue avec la deuxième personnalité et le premier indice. Moi, je me suis acceptée comme je suis et je pense que c'est important que chaque femme puisse se sentir bien telle qu'elle est. Il n'y a pas de corps parfait et il n'y a pas de corps nul, il n'y a pas de corps ingrat. Jadoul, oui. Je dirais une influenceuse. Je dirais... Il y va au tac au tac. Alors, je dirais une influenceuse qui a des cheveux, qui a deux jambes. Il se maquille. Se maquille. Ce n'est pas Brittany, donc. il s'agirait de... Maybilla. Maybilla. C'est une influence. Ah oui, non, ok. Maëva Genam. Je dis Maëva Genam. Mais n'importe t'as buzzé quoi. Ou t'as pas buzzé? J'ai buzzé. Je pense que t'as buzzé. Si, si, je l'ai buzzé. Ok. Bah, c'est pas la bonne réponse. C'est Maëva. Sabotage. Mais quoi, c'est du sabotage. Qu'est-ce qui est. Parce que j'ai pas dit oui ou non, donc. Non, mais moi j'ai rien. Je vais aller deuxième jusqu'à. Deuxième à 10 Je vais aller jusqu'au troisième, il peut plus buzzer. Bah, déjà, le deuxième à 10. La pose d'une couronne nécessite une préparation dentaire. Maëva. What? Bon bah elle bosse toujours. Toujours pas, pas. Là, là il faut trouver maintenant, il faut trouver. Vous avez été élue par le jury, parce que vous êtes arrivée première du jury et combien troisième troisième du public. Troisième du public. Oui. Qui a buzzé du coup? Personne. Maëva, ça va venir Maëva, je le sens. La nouvelle Miss France. Ah oui, tu t'as pas son nom? Aucune idée. Ouais, c'est pas grave, c'est très très bien. Mal. Même moi je le retenais pas alors. Ouais. Bah voilà, donc ça fait un partout pour l'instant, un point pour Jadoul, un point pour Maëva. Mais c'est du ça. Coup, on peut peut-être le dire aux auditeurs. Oui, c'est pas une mauvaise idée ça. Donc c'est Eve Gilles. Si, si, si, c'est Eve Gilles. Eve Gilles. T'es sûr? Non, ah oui, non, je suis sûr, certain. Bah Eve. Eve. Eve. J'ai entendu Eve Gilles. Son prénom c'est Eve. Oui, ouais, merci. Ouais, non, voilà. Il a raison, Eve Gilles. Bon, bah oui, bien sûr que j'ai raison, bah ouais, bien sûr que j'ai raison. Bon, c'est maintenant que tu vois, la dame aux toilettes, elle a fini de gueuler là. Mais pas dire à la chasse en partant. Ouais, c'est ça, ouais. C'est maintenant que tout va jouer. Ouais. Troisième personnalité, premier indice. Vous devinez parfois... Alors, oui. Pascal Praud. Mais enfin, comment il a fait? C'est, bah, c'est sa déjà. Voix. Mais c'est bah, sa oui, voix. Oui, bah bon... C'est qui Pascal Praud? Voilà. Animateur sur CNews. Grisonnant. Bon bah j'ai d'autres indices hein, pour lui. Vas-y. Vous savez, c'est comme Pierre Frenet, ou la célèbre imitation non, ça de Pierre Frenet. Allez-y. Je m'appelle Pierre Frenet. C'est l'imitation la plus courte du monde, je le rappelle. Je m'appelle Pierre Frenet. Voilà, troisième indice. Moi, je trouve, je vais vous dire ce que je pense. Je trouve que c'est insupportable, en fait. Et puis, évidemment, il y a surtout cette phrase qui est très connue de Pascal Praud, enfin, cette situation surtout. Je vous donne vraiment. Je vous rappelle qu'il y a 7 Français mais sur. Mais Caroline Mécari, mais c'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Camomille. Mais c'est juste insupportable. Camomille. Arrêtez. Ouais. Camomille. Camomille. Enfin, non, mais vous, moi, je peux plus animer une émission de télévision. Camomille. Annulez le café. C'est insupportable, votre attitude, sur un plateau de télévision. Une camomille. Ouais. Voilà, je me souviens. Donc c'était bien Pascal Praud. Enfin, je viens de voir, hein, mais ok. Bon, c'est pas grave. On manque mais ça de fait une belle victoire madame. De Jadoul. Merci beaucoup. On se connecte au seum avec la dame qui est aux toilettes. Ça va, j'arrive. C'est la trappe. Jadoul. Jadoul. Partout en podcast. Prêt pour l'année 2024. Ah, c'est bien dit ça. C'est vrai que personne n'est prêt. Hein. On s'est dit que ça allait être meilleur en 2023, puis en 2023, on se dit pareil pour 2024. Ouais. Non, on va être lucide. Personne n'est prêt pour 2024. Tout peut arriver. Les océans vont fondre. La Terre va s'arrêter. Oui, bah, ne porte pas la poisse. Hein. Ça y est, c'est la fin du monde. Pardon. Je m'emballe un peu. Une camomille Oui, une petite camomille, ce serait peut-être pas mal ça. Explosion. Mais je suis énervé, pardon. Ouais, je vois ça. Oula. Ah, mais ça va. Oh. La mise à jour, on va parler de quoi, Maëva hein. On va parler des sorties du mois de janvier 2024. Oh, j'adore. Oh oui. Ah, j'adore ça. Oh, je suis content. Qu'est-ce qu'on peut faire pour fêter ça? Tout à fait. Les sorties, c'est vraiment ce que j'attends parce que au moins, on est refait sur tout ce qu'il y a sur les plateformes ouais, et au cinéma. Vrai. Et je viens de m'abonner à un nouveau truc. Ah, c'est quoi? Disney Plus. Ah, mais j'ai cru que c'était un truc genre fermé, genre salto. Ah non, non. Ça bah je découvre. Fait mourir de rire. Oh. Ah. La vie comme une fête foraine. Oui, bien sûr, parce que là, ça y est, c'est les inflops. Toutes les infos qu'il fallait louper ces 7 derniers jours, Notre rédaction vous a évidemment résumé tous les faits pour que vous soyez parfaitement informés de l'actualité à louper qui a floppé. Nous avons donc appelé ça les inflops. Première info. En Italie, un pâtissier de luxe, Dario Hartwig, a confectionné un Pentone orné d'or. Bon, ok. Un gâteau, si tu veux. Et plein de diamants. D'accord. Et qu'il a vendu à un homme d'affaires indien pour, accrochez-vous, 700 000 euros. Rien que ça. N'est-ce pas, Maëva? Oui. Oui. Imaginez l'homme d'affaires rendu travail et son enfant lui dit fils. Non, d'accord. Non, c'est il y a une voix d'enfant à faire. N'est-ce pas, Jadoul? Attends, mais ça, je peux pas le viser. T'as le texte ou pas? Oui, mais Eva peut faire la voix du mais gosse. Mais oui, c'est ça l'idée. Parlez-vous avant l'émission. Mais il m'a rien dit. Page 7. Ok. On est bon? Ouais. Bon, sur ce temps-là. Non, ça y est, non, c'est bon. Je divertis les gens sur ce temps-là. Ok. Allez, je vous redonne l'info. Comme ça, vous êtes sûr que c'est bon. Et pour le podcast, on passera pas pour des blaireaux. En Italie, on va garder la première prise. Imaginez l'homme d'affaires rendu travail. Et son enfant lui dit: voilà, papa, j'ai enlevé tout l'emballage du Ferrero Rocher. Maintenant, on peut le manger. Au moins, on pourra dire: comme son père. Deuxième info. Il y a la photo, hein, d'ailleurs, du gâteau, si vous voulez voir. Oh putain, c'est vrai, c'est un vrai Ferrero Rocher, le truc. Regardez, c'est vrai que ça ressemble à un Ferrero Rocher. Je veux pas défendre. Oui, parce que pour le coup, ce n'est pas un Ferrero Rocher. Hein. Bah pourtant, on dirait. Hein. Bah on dirait, oui. C'est... Voilà. Ça se vend 700 000 euros, ça? Bah, il faut croire, c'est les feuilles d'or. Hein. Amenez-moi de l'aluminium. Amenez-moi une grosse plaquette de chocolat. Moi, je vais vous gérer ça, vous inquiétez pas. Allez arracher quelques dents. Oh, oui, non, voilà. Deuxième dents, info. Ouais. Cette fois-ci, on part du côté de la Chine. Une entreprise de fabrication de papier basée à Guangdong offre une prime à ses employés. Plutôt que d'atteindre des objectifs professionnels, les employés sont encouragés à participer à un défi de course à pied. Ça favorise le sport à la place d'avoir des objectifs. Ouais. Ah, c'est bien. Pas bête. Ça change de mon équipe. Chaque semaine, il dévore tous les bonbons du studio et puis il demande un salaire. Non, mais je suis désolé, mais... La vie ne fait pas de cadeaux. Troisième... Un petit fou rire dans ce studio parce que c'est vrai, il y a vraiment des bonbons sur cette table et vous vous jetez dessus. C'est pas mal au bide après. Bah cette semaine, tu touches pas. Ah, bah oui, mais en même temps, si tu manges, pas. Ça ressort. Donc, non, mais moi je vais arrêter d'y toucher parce qu'ils arrêtent pas de fondre. Hein. Mais ils sont tous. Je fais chaud dans ce studio. Je sais pas depuis combien de temps ils sont là. Mais... Voilà. 6 ans. Comme on fait qu'une émission par semaine, tu sais, on a un gros stock, il faut les couler. Troisième et dernière info, aux États-Unis, un enfant de 6 ans censé rejoindre sa grand-mère pour les fêtes a été confié au personnel d'un aéroport. Heureusement, il a été placé dans le mauvais avion. Malheureusement. Pauvre. Bah oui, malheureusement, il s'est retrouvé à 250 km de sa destination finale. Ah oui, quand même. Oui. C'est un problème, hein, parce que selon nos sources, il a atterri au Vatican. Et l'enfant aurait été déposé dans la crèche à l'occasion de la messe de minuit. La vie ne fait pas de cadeaux. C'est sûr. Vatican. Ah, il est mal tombé. Vous vous imaginez une demi-seconde ce qui a dû se passer? Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, tous en cœur, et accueillons ce petit être humain qui nous a rejoint dans cette... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bonsoir. Mais... Oh, pas terrible ça. Vous savez quoi, on va arrêter les impros, hein, nous. C'est peut-être mieux. C'est un écureuil ou un petit garçon? Ouais, attends, refais-nous le petit gamin, là. Bonsoir. Ah ouais, non, là, on n'y est pas. Hein. Quoique, il faudrait qu'il soit avec moi dans l'église, parce que lui, il n'avait pas de réverb. Ah. Oui, mais en même temps, c'est vrai que c'était notre faute. Ouais, t'as raison. Ah. Abemos, papa. Oui, il parle pas français, là-bas. Cette messe nous offre ce petit être qui vient d'atterrir. Bonsoir. Je suis perdu. Ça serait bien, ça. Et ce petit enfant va recevoir ce que l'Église fait de mieux. Ah, oh, ah, c'est dégueulasse. Monsieur. Ah, c'est ça. Rangez ça tout de suite. Monsieur. Excusez-moi, j'ai ma braguette qui est coincée dans ma soutane. Ah. Bon, mon petit, tu vas devoir attendre le nouvel an pour la messe de l'an 2024. C'est C'est pas cool. Ne perds pas tes dents de lait. Bon, on arrête. Allez, oh, c'est fini. Oh non, mais non, non. Il n'y a pas de limite, faut toujours que vous alliez trop loin. Oui, c'est vrai, ça. Tiens, mais, déjà, le sous-entendu était suffisamment gros pour qu'on le comprenne, le petit. Là, maintenant, tu vas voir. Vatican. Il va y avoir des auditeurs maintenant qui vont répondre. Ouais, ouais. Non mais le sous-entendu était déjà énorme. Il a fallu quand même que tu parles de ta braguette. Bon, c'était déjà énorme. Les dents de lait, là, c'était trop. Ok, je disparais. Oui. Merci. Bon, allez, un peu de musique. Il fait calme d'un coup. Allez, bon, merci. Alors, je me suis fait engueuler par la papesse, là. Elle a marre, ici. On peut rien faire comme on veut dans son émission. Non, non. On voulait vexer personne. Non, mais c'est... Alors, c'est impro, parce que c'est de l'impro, cette émission. C'est pas pour se justifier, hein, mais c'est juste que j'ai lu sur le... La première chose, quand on... J'étais sur le site du Vatican parce que je voulais acheter un domaine, un site internet... Ok. Qui a le domaine .va, mais je savais pas que c'était .va, c'était lié au Vatican. .be, c'est lié à la Belgique, .va, c'est ouais. Vatican. Et donc, je tombais sur le site du Vatican. Et l'une des premières pages, c'est les rapports sexuels à l'église et les petits-enfants. Donc, comme quoi, c'est une question qui se pose au Vatican. C'est pas moi. Sur le site, tu peux choisir le prêtre que tu veux. Oui, mais de là en faire une petite blagounette en impro, peut-être pas. Oui, peut-être bah, pas. T'as raison. Voilà. Va travailler aussi, ça. Jadoul et toute son équipe. Ah oui ? En podcast. Ah ben bien sûr. Bonne nouvelle, il est temps, il est l'heure même. Seigneur, il est l'heure. Exactement. On est en plein dans les classiques de Noël, là. En fait. Je laisse Maëva évidemment faire le lancement. Mais oui, parce qu'il est 21h22, l'heure de rejoindre Radio Falminioul. Au cœur d'un paisible petit village de Wallonie, chaque jour, René l'animateur et Guy de la Sono œuvrent à transmettre de la joie sur les ondes locales de Radio Falminioul. Des moments de vie exceptionnels que l'on vous offre. Découvrez le jour où ils ont fêté le nouvel an. Chers auditeurs de la 97.8, Guy et moi-même vous disons bonsoir. Nous espérons que vous passez d'agréables fêtes de Noël en famille, mais attention, ce n'est pas encore fini. Il reste à fêter le nouvel an. Et oui, René, et cette année au programme, nous avons réussi à inviter des artistes de prestige dans nos studios. À cette occasion, nous leur avons construit une petite scène. Formidable. Il faut vous préciser que nous n'avons pas fait les choses à moitié. Il y a les plus grands artistes du moment. Oh ! Et notre premier invité est génial. Vous allez voir, enfin l'entendre. Désolé Gilbert, Monsieur Montagnier en direct sur Radio Falminioul. Tu tapes des mains en même temps de chanter. On ne t'entend pas. Bon, laisse tomber. Merci d'être venu. Attention, mesdames, messieurs. Place à la prochaine vedette. Ah, selon mes sources, il est l'un de nos fidèles auditeurs. Il chante très, très bien. Et en plus, il est sympa. Ah, ça, c'est vrai que le courant passe bien avec lui. Veuillez accueillir François Claude Alexandre Bertrand. Je me lève. Bien, nous avons rencontré des petits problèmes techniques. Ça doit être l'alimentation du micro qui s'est emballé. Francis ! Claude ! Alexandre ! Oh, réveille-toi, il faut que tu débarrasses le plancher ! Oh non, c'est peut-être ma chorégraphie qui n'est pas à la hauteur de ces Claudettes. Je préfère qu'on enchaîne. Vedette suivante. Bon, en attendant que Guy s'occupe de libérer notre podium de ceux qui veulent mourir sur scène, nous pouvons accueillir Morane. Bien sûr, nos miroirs sont à terre. C'est trop beau la chanson. Et le courage d'être juif. T'as vu ça, René ? L'élégance d'être nègre. Maroille, elle fait le caméléon. Bah, elle change de couleur comme le spot LED. Elle est devenue rose, puis mauve. Maintenant, elle est fort blanche. Voire grise. Oh, c'est bien, ça nous requinque pour les fêtes, cette chanson. Petite crevette. Peut-être qu'avec une petite sauce cocktail, ça va la réveiller. Décidément, Guy, j'ai l'impression que notre émission fait de l'effet. Tous les artistes qui sont venus sur scène refusent de la quitter. Sauf Gilbert. Lui, c'est étonnant, il fait un câlin au tuyau du chauffage, assis dans la plante. On fait quoi maintenant, René? On appelle le suivant? C'est Renaud! Mais non! C'est une statue de cire! Ah, tu vois bien qu'il est attaché au décor. La preuve, si je le déplace... Merde! Ah bah oui, ah bah autant pour moi. Ah mais enfin Guy, respecte ce gentil monsieur. Ah bah oui, désolé monsieur, désolé. Vous voulez quelque chose Renaud? À boire. Vous pouvez constater que la FM a encore du punch. A bientôt pour de nouvelles aventures chez Radio Falminioul. Et bonne année. Oh, ils nous ont gâtés. Oh, ils nous ont bien gâtés. Ils ont été très très forts. Oh mon dieu. On donne encore l'antenne à cette radio? Eh ben écoute. Mais pourquoi? Pourquoi? Ah, ils sont formidables. Si. On est le 27, hein. Oui. C'est notre dernière émission. Oui, c'est vrai. Pas de cette année. On sait pas. Je vous rappelle que... On sait pas. Hein, bon. Hashtag One Life. C'est ça. On va vous dire la vérité. Pour le moment, on n'a pas signé pour 2020. Et là, les patrons contents, ils disent « Ah bah, ça tombe bien ouais. !» Bah, vu la dernière demi-heure qu'on vient de leur donner, c'est pas les motivés à nous reprendre. Faut pas les prolonger, là. Non. Vaut mieux pas. En tout cas, nous, on se marre bien. Et peut-être mercredi prochain, on sera ici. Peut-être. Ou ailleurs. S'il n'y a pas le CSA qui a tapé avant. Envoyez la facture à Maeva, c'est à Cudessar. Son adresse, c'est... Jadoul et toute son équipe. Ah oui? En podcast. Ah ben bien sûr. Je sais plus ce qu'on fait, je sais plus ce qu'on doit faire maintenant. La MAJ. La MAJ. La mise à jour. D'accord. Merci pour ce doigt d'honneur. C'est majeur ça, non? Ah d'accord, c'est pour ça, ok. Et t'as vu? Et on est malin, mais comme Maeva a la tête dans son écran, elle regarde même plus. Pour te voir faire des doigts d'honneur, franchement... Des doigts d'honneur. Ouais, c'est gentil ça. On n'a pas les mêmes bases, on n'a pas les mêmes lois. On n'a pas les mêmes voix. On n'a pas les mêmes choix. La mise à jour de Maeva cette semaine, on parle des sorties du mois de janvier. Oui. Je commence tout de suite avec Netflix, on part pas une minute. Allez, bien sûr, yes. Alors, c'est une sortie du 1er janvier, c'est Double Piège, donc on commence directement. Ce sera une série qui sera adaptée du roman éponyme d'Arlan Coben. Voilà, il est très connu. Oui, c'est très connu, c'est celui où il dit... Versus, c'est pas trompé. Non, c'est pas celui-là, c'est encore un autre. Ça raconte l'histoire d'une ancienne soldate qui aperçoit sur une caméra espion, que son mari, qu'elle pensait assassiner, ben en fait, il est peut-être toujours là. Voilà, c'est un peu suspect, ça peut être sympa. Ouais, ça a l'air sympa, je vais le noter, tiens. Le 4 janvier, il y aura pour les films un peu catastrophe, si vous aimez bien, Le Cercle des Neiges. Donc, c'est un film hispano-uruguayen. Et ça raconte l'histoire du crash d'avion dans les Andes de l'équipe de rugby, là, au Chili. Ah, c'est mieux quand il y a mon bed. Oui. Vous voyez de quel film, de ce que je veux parler? Je suis le seul réalisateur radio qui met le bed 2 minutes après le début de la séquence. Non, je vois pas de quoi tu parles. Mais en octobre 1972, il y a eu un crash d'avion avec une équipe de rugbyman à l'intérieur. Ils étaient 29 plus ça en tête, moi. Et ils ont dû rester des jours et des jours dans le froid, dans la neige, etc. Ça me dit un truc, mais je sais pas si c'est cette histoire-là ou pas. Alors, je vais peut-être pas spoiler le film, mais j'avance. Mieux que non. Mais je pense que ça avait été hyper loin, dans le sens où ils avaient dû se manger ou des trucs ainsi. Ah oui, c'est un truc de survie à l'extrême, donc voilà, ça sortira le 4 janvier. Si vous aimez bien ce genre de film, pourquoi pas. Jadoul nous fait un remix en live. Ouais, j'ai pas fait. Est-ce que tu veux bien arrêter de toucher au bouton pendant que je fais ma séquence? Une ambiance de grotte. Ah, merde. Ah merci, hein, bravo. Non, c'est Maeva aux toilettes. Elle est outrée. Elle est outrée. Et ça va, j'arrête. Non mais pour ceux qui nous rejoignent maintenant, Maeva était un peu dérangée à cause des fêtes et son transit. Non, c'était pas à cause des fêtes, déjà c'était avant les fêtes. Donc... Ah bah en plus. Bref, je peux continuer? Oui, oui, on arrête là, hein, vraiment. Le 12 janvier, il y aura aussi En plein vol, c'est un film d'action. Voilà, c'est aussi à l'intérieur, enfin dans le film, pardon, il y aura Kevin Hart qui joue dans Jumanji, Ursula Corbero de La Casa des Papel et Vincent D'Onofrio de Full Metal Jacket et encore Jean Reno. Et c'est l'histoire d'un petit braquage, voilà, qui tente le coup du siècle avec son équipe et ils veulent dérober 500 millions de dollars en or dans un avion en plein vol. Oh, bah ça va. Et ça, c'est... Attends, rappelle-moi le titre, s'il te plaît. En plein vol. Et sur le 12. Nous sommes en plein vol. Merci beaucoup de rester attaché. Et là, fin du film. Imagine la tristesse du truc. Tu peux continuer? Oui. On va passer à Disney Plus cette fois-ci. C'est une série qui va sortir, Echo. Ce sera le 10 janvier. C'est une nouvelle série Marvel qui parle du personnage Maya Lopez. Bon, faut sous-suivre Marvel. On l'a Echo. Voilà, oui, voilà, c'est ça. C'est dans la série. Enfin, on l'a découvert dans Oki. Enfin, voilà, faut suivre les Marvel, mais bref. Okay. Pour les fans de. Pour les fans de Marvel, une nouvelle série va sortir, Echo, le 10 janvier. Est-ce que vous étiez fan, quand vous étiez petit, de. Enfin, des trucs de Charlie, enfin des histoires de Charlie Kens et d'Olivier Twist. Non. Ok, vous connaissez pas du tout. Moi, non. J'aimais bah, peut-être bien si quand tu... j'étais petite. Tu détailles Olivier un peu. Twist, c'est le petit voleur, enfin dans les rues, etc. Enfin, vous... non. Je vais aller me renseigner. Pas vraiment pas du tout. Bref, eh ben il y a une suite qui va sortir. C'est ce qui se passe après. Donc ça se passe en Australie. Ça s'appelle Le Renard, Prince des voleurs, et ce sera disponible donc le 17 janvier. Ça peut être sympa, un peu l'histoire du pickpocket plus tard. C'est ça, c'est, oui, c'est ça, c'est Olivier Twist, le petit garçon qui volait. Okay. J'adorais quand j'étais petite. Connaissais pas. Et enfin, ce sera Cristobal Balenciaga. Si vous êtes fan de mode, ce sera l'histoire du coup du créateur Balenciaga qui sortira le 19 janvier sur Disney+. C'est une série originale et c'est inspiré. Hein, c'est pas un documentaire, donc c'est vraiment un peu romancé, d'accord, etc. Je comprends mieux. Et voilà. Et enfin, je passe à Prime. Sur Prime, il y aura un documentaire qui a l'air plutôt sympa. C'est sur l'histoire de Squeezie. Merci Internet. Ah enfin. Le YouTuber. Ah, j'ai vu le teasing avec une vidéo de lui de son tout premier. Quand truc. Il a tout commencé. Enfin, ouais, c'est ça. Il a commencé. Essaie de ranger sa chambre et tout. Ouais, c'est marrant ça. Parce que ça, en fait, c'est marrant parce que nous, on est la génération Squeezie. Kix et moi, on a un peu le même parcours. Ça veut mais dire mais que. Pas le même talent. Et on n'a pas percé. On a aussi fait des vidéos sur Internet. Cherchez pas, elles sont plus là. Mais on a fait beaucoup de trucs. Bon, pour nous. Mais lui, il a rencontré son public et c'est comme ça que ça a démarré. Ouais, mais vraiment de rien. Donc il est dans... Non mais c'est vrai. Moi je me souviens, je regardais et puis même j'ai déjà regardé. Il est dans sa chambre, il est là. Genre il ouvre le micro, il y a rien de préparé, il joue juste aux jeux vidéo. Et maintenant c'est quand même le youtubeur qui est suivi par enfin le plus de personnes. Je sais pas combien il a d'abonnés. Alors que nous c'était toujours préparé. Hein. C'est peut-être ça le problème. Oui. En fait lui il y a été à l'impro et il a apporté. En fait je pense que ce gars était quand même précurseur parce que nous on écrivait des sketchs, on faisait des trucs vraiment très. On se prenait la tête. Ouais. Et lui, en fait, il était décontracté, il se mettait devant sa caméra. Bon, il jouait un petit peu le rôle du gamin qui joue aux jeux vidéo et tout, et il allait à fond. Il avait son personnage, mais c'était peut-être un peu moins travaillé. C'est peut-être ça ce qui a plu, c'est ça qui a créé la différence. Plus naturel. Mais c'était nouveau, c'était très nouveau. Et tout le monde voulait faire du gaming à un moment. Bon, moi, je l'ai pas fait parce que je sais pas jouer. Mais du coup, il est suivi par 18,6. Le grand M, c'est millions. C'est des millions d'abonnés. 18,6 millions d'abonnés. Milliards, ouais. Millions, c'est le cas. Ah non, c'est 1000. Dans le cas, c'est 1000. Bah, M, c'est millions. Je ne sais pas trouver sur un autre site l'info. Mais je suis sur YouTube. 18,6 M. Ça ne peut pas être milliard, n'exagère pas. Millions, c'est non, déjà. Non, bah, millions, ouais. Millions, c'est. Pardon, j'étais sur autre chose. J'étais sur. Oui, je vois ça. Ouais. Et donc voilà, le YouTube. Non, le milliard, plus... c'est MD. Ah voilà. Ah voilà, oui. Et je crois qu'il n'y a que MrBeast ou je ne sais plus qui fait des chiffres comme ça. Mais ouais, donc Squeezie, sur oui, Prime. Sur Prime, le 19 janvier. Bah, t'as vu, j'y suis. Merci. Il y en a plus ? Le cinéma, pas trop. Ça va pas vous plaire, mais moi je sais que ça va me plaire. Pour toutes... Oh non ! Pour toutes les filles de ma génération, on était fans de Mean Girl, Lolita malgré moi. Le film avec Lindsay Lohan, c'était vraiment les pestes habillées en rose dans le lycée. Eh bien, ils ont fait un remake qui sortira le 10 janvier. Et franchement, ça me rend très nostalgique et j'ai vraiment envie de voir ce que ça donnera. Donc voilà, rendez-vous au cinéma le 10 janvier. Mais vous allez pas aimer. Très sympa. Nous, on va pas aimer. Toujours nous, on va pas aimer. Bon, franchement, pas mal. Il y a juste que maintenant tu m'as mis le seum que Squeezie a du succès et nous non. Je ne comprends pas pourquoi. Je sais pas. Vraiment. Il y a une faille dans le système. Nous on a tout pour réussir. Enfin je sais pas. On a le rythme, on a l'ambiance. Un kick. Tu veux qu'on montre à Squeezie ce que c'est de faire des trucs avec talent et qui vont faire plaire et qui auront touché un grand public. Fais-moi rêver. Allez, je te fais rêver. Non mais voilà, le problème est là. Auditeur, auditrice. Ça crache beaucoup. On est en direct. Ouais, ça crache vraiment beaucoup. 1, 2, 1, 2. On règle les micros et puis on fait du contenu, d'accord. On va faire ce qu'on peut. Et tout de suite, Kix va jouer de son sousaphone. Ah bon, Viti, écoute. Que le talent. Ah non. Finalement non. Bon, merci Maëva pour les sorties. Bah, du coup, je passe un petit appel à Prime Vidéo si jamais vous voulez faire une nouvelle mini-série. Ah oui. Jade ou les Kix sont là, ils vous attendent impatiemment. Ah, si, franchement, il y a du contenu. Il y a du contenu. Il y a des choses à faire avec nous. Et on est toujours de bonne humeur. Faut juste creuser. Il y a de l'or, mais il faut creuser. C'est ça. Avec une fanfare. Et ça, ça coûte cher. On y va. C'est Jadoul et toute son équipe en podcast. On fait un petit coucou à tous les gens qui nous écoutent en podcast. Ils sont de plus en plus nombreux et ça fait plaisir. Coucou. Ah non, arrêtez, ça va appeler encore Brittany qui arrive en fin d'émission. Ça va être encore un de ces carnages là. Ah, je suis pas impatient. J'espère qu'on n'aura pas le temps de la diffuser. Brittany, quoi. Non, mais c'est notre influenceuse. C'est toi qui as voulu la prendre. Mais oui, mais elle est sympa, elle fait du bon contenu. Enfin, en théorie. Elle était bien quand on l'a rencontrée parce qu'elle était, ma foi, fort aimable. Maintenant, on n'arrive plus à s'en débarrasser. Bah, elle nous colle à la porte. Hein. Comme un chewing-gum sur la chaussure. On ne sait pas quoi dire. Bon, faites un peu de place, s'il vous plaît. Enfin non, puisqu'on se connecte à lui à distance. Il a son micro, son casque. C'est une liaison directe avec son bistrot, notre grand ami. J'espère qu'il est à son bistrot cette semaine, parce que moi, j'ai très peur. J'ai peur, je n'ai plus confiance en lui. On se connecte à Jean-Michel. Jean-Michel, vous êtes avec nous? Jean-Michel, ouvrez votre... Ah. Oh. Oui, ça. Oh, caca. Oui, oui, mais tapez pas dans... Oh, arrêtez. Tu m'entends? Oui, est-ce que c'est à vous, ce matériel? Oui, non, c'est parce que j'avais fait tomber le micro dans mon verre. Oui. Parlez un peu plus près, peut-être. Pour ça? Parce qu'à l'enseignement... Non, c'est pas bon, merci, arrêtez. Jean-Michel? Oui. Arrêtez, allez, c'est fini, parlez bien. Avant de vous parler du nouvel an, vous vous êtes remis de Noël ou moins? Ah oui, j'ai bien remis, hein. Oh, il y en avait partout, sur les murs, sur le lit, dans mon bistrot, partout. Même dans le micro? Ah, partout, ça a collé, ça a moisi, ça... Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Oui, je pense qu'on est un peu encore dans le micro. Ah. Jean-Michel, on est en direct, s'il vous plaît, soyez correct. Il y a peut-être des gens qui mangent encore à cette heure-ci. Un peu de finesse. Dites-nous, vos lendemains de fête, ça doit pour beaucoup parler dans votre bar. Vous avez entendu quoi? Moi, je peux vous imiter ce que j'ai entendu, mais vous allez à nouveau me dire: Jean-Michel, un peu de finesse. Oui, je vois. On le répétera jamais assez à nos auditeurs. Il faut boire avec modération, bien sûr. Boire ou conduire, il faut choisir. Pour le nouvel an, vous allez faire quoi, Jean-Michel? Vous avez déjà une idée? Bah, bien évidemment, soirée au bistrot. Ah. D'ailleurs, mon Jean-Doul, j'ai créé une petite pub qui sera diffusée sur toutes les radios. Ah non. Dis-moi ce que tu en penses. Non, il y a les messages de prévention de Sam, de Bob, déjà. Mais non, ça va passer. Ce soir, Jean-Mi est rempli. Il a éteint toute la lumière. Il en sortit tous en filière. Attention, bouteille de rouge. Ce soir, attention, Jean-Mi Picot. Ce soir, c'est Jean-Mi. Évidemment, c'est soirée bistrot. Ah ouais, pas mal. C'est tout? Mon nickel, c'est la maison. Jean-Mi, on peut reconnaître son soir et s'en fout. Ce soir, chez Jean-Mi, c'est soirée bistrot. Go, go, go, go, show bistrot. Waouh! Ah ouais! Ah ouais, grosse ambiance! Vous êtes là, Jean-Michel? Oh! Ah ouais. Oh, ouais! Non, on arrête! Non, mais c'est fini! Bonne heure, ma soirée! Mais c'est pas le nouvel an, là, Jean-Michel! Ah ouais, y'a un délire en effet! Ouais, ça va! Y'a un délire! Arrêtez, Jean-Michel! Stop, à un moment, il faut se reconcentrer. On est à la radio, on est devant les gens, il faut un peu de tenue, ouais, au moins un minimum. Mais en tout cas, ça passera Jamais. Enfin, vous avez trouvé des radios sur lesquelles diffuser vos pubs? Vous croyez qu'ils vont accepter ce torchon? Bah ça, je saurai quand j'irai faire le tour des radios avec ma clé USB, hein. Non, c'est pas gagné, ça. Pas sûr que ça se passe réellement comme ça, mais on croise les doigts pour vous et dites-nous comment ça va se passer. Hein. Gardez-nous une petite place à votre soirée, peut-être qu'on viendra, on passera avec Maëva. Oui, ça marche. J'avais demandé qu'est-ce qu'on ferait bien pour... Tente sur moi. Ouais, bah oui, parce que visiblement, chez JM, il y a de l'ambiance. Hein. Tu m'entends? Oui, oui, je vous entends, Jean-Michel. C'est fini. Une bonne soirée, hein. Ouais. Wouhou. Oh, je suis reparti. Non, c'est fini, Jean-Michel, merci. Ah, arrêtez, arrêtez. Bonne année, quand même. Bonne année, bisous, hein. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes sûr que vous voulez pas venir? Vous venez, alors vous venez, c'est sûr? Non, viens pas. Pourquoi vous venez pas? Bah, parce que finalement, je pense que ça va être dangereux. Bon, alors je m'en vais. Allez, salut. C'est Jadoul. Partout en podcast. Oh, ça fait si longtemps. Oh. Ça fait longtemps. Je l'ai pas imprimé. Tu l'as pas imprimé? Non, c'est... quelqu'un a un ordi. Ah bah c'est oui, un ordi. Blague. Hop. Allez, ça va. Passe-moi ton ordi. On l'a pas imprimé la feuille, mais on est quand même écologique. Et il faut glisser hein, sur la souris. Tu... Je crois que Jadoul sait comment on utilise un PC. Je suis pas non, sûr. Non, mais pour dire que j'avais pas mis directement dessus, quoi, c'est ça que je veux dire. Oui, tu veux dire que t'as pas vu les réponses. C'est ça. Non, vraiment. Mais passe après. Alors, cette semaine, pour se perdre sur Internet. Internet. Trois chemins s'offrent à nous. Voici le premier cas. Joyeux anniversaire à la nappe. Mm-hmm. Deuxième cas. Félicitations à la morue du fond. Troisième cas. Pourquoi je peux s'en viser? Parce que t'es dans le fond du studio et... Parce que c'est féminin. Troisième cas, Arthur se prend pour un Kids United et écrit sur les murs les noms d'oiseaux que l'on aime. Ça c'est drôle. C'est drôle. C'est comique. Ça pourrait être celui-là. Ça pourrait être le dernier. Bon. Ouais, ouais, le dernier il est pas mal. On vérifie? On vérifie. Oui. Allez. Vous êtes perdu sur Internet. C'était attention à la nappe. Joyeux anniversaire à la nappe. Oh là là. Ah ouais. Alors ça va être quoi? Bon bah alors c'est très simple. Je vous le dis. C'est attention à la nappe. C'est le concept de la vidéo et il y en a aucun autre à retenir de ça. Ok. C'est vraiment le seul concept. Je vous propose d'écouter. Allons-y. Je vous mets juste un petit extrait. Attention à la nappe. Attention à la nappe. Ok. Retenez bien cette phrase parce que pour moi. Ça va être formidable ça encore. Vous allez beaucoup l'entendre. Je vais juste voir si je peux pas avoir un petit compteur, un petit ding, un petit truc. J'ai pas un bruitage. Tu veux que je le compte? Tu veux que je fasse ding? Non, non, mais je sais où je peux en trouver un. Parce que en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter le nombre de fois que la dame, elle dit nappe. D'accord? Okay. Voilà, j'ai de quoi compter. Et hop, on y va. On écoute la vidéo en entier. On compte le nombre de fois où ça dit nappe. Concentrez-vous. Non, attention. Attention, la nappe. Oh là, je ne trouverai pas que la nappe se brûle. C'est du polyester. La nappe. Ah non, mais la nappe, c'est du polyester. La nappe, c'est du polyester. Ça va brûler. Hein. Tiens, il y a un trou. Je dis pas sur la nappe. C'est du polyester. Waouh. Alors, la dame a dit 8 fois le mot nappe. Mais tu sais que t'es pas obligé de faire des petits bars. Tu peux compter avec tes petits doigts aussi. Bah non. Non, il est plus capable de mélanger ses doigts. Même s'ils sont rattachés, il va mélanger ses doigts. Oh. Pas sur la nappe. Pas sur la nappe. Oh, en polyester. Vous avez entendu les cris? C'est vrai. Qu'est-ce qui se passe à l'arrière? C'est quoi cette famille? On dirait un hôpital étrange. Pas sur la nappe, pas sur la nappe. Pauvre dame. On dirait qu'ils sont au ralenti. On dirait le ralenti, c'est incroyable. Faites pareil avec votre iPhone, hein. Vous mettez le mode ralenti, ouais. Faites ah! Et vous le regardez. Ça, c'est horrible. C'est exactement ça. Passons aux choses sérieuses. Je pense qu'il est déjà temps de passer à une autre séquence. Car on est super à la bourre. Avec une influenceuse, non, c'est pas ça? Oui, c'est ça, exactement. T'as tout compris. Oui, oui, oui. Elle s'appelle Brittany, c'est notre influenceuse, on l'aime beaucoup. On lui lègue l'antenne, enfin du moins on va voler ses stories sur son compte Insta, voir si elle est toujours influenceuse et voir surtout dans quoi elle s'est fourrée cette semaine. Oh, ça vaut mieux peut-être pas le savoir. Oh. Je vous propose qu'on rejoigne Brittany et son petit monde incroyable sur les réseaux sociaux. Coucou mes nini, merci Brittany. Ah. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un Jet Ready With Me pour le réveillon de la nouvelle année. Quoi ? Hashtag meilleure soirée de l'année en bombe. Si vous avez ressemblé à une petite fourmi tout 2023, c'est le moment de devenir un joli papillon. Bah quoi ? C'est pas les fourmis qui deviennent des papillons ? Ah, bref. Non. Alors, on commence par le make-up. On va faire quelque chose d'assez naturel. On va mettre du fond de teint bien couvrant et des paillettes. On n'oublie pas le eyeliner pour avoir des yeux de chatte et l'highlighter pour briller encore plus que la boule à facettes du dance floor. Pour la tenue, on cherche pas. On sort la robe mini jupe à paillettes pour montrer qu'avec nous, la vie c'est une fête. Prends ça dans ta face, le style. Christina Cordula en sueur. Pour les cheveux, on va partir sur un lissage. Pour ça, on va utiliser le lisseur que j'ai reçu par le Père Noël. Ah. Hashtag le rat. Quoi ? Moi, je prends le temps de lui faire une liste encore plus longue que mon avenir et il me ramène juste le lisseur. Allô, quoi ? Bref. On va venir lisser à fond. On n'hésite pas à repasser en profondeur. On lisse même ses ancêtres, wesh. On termine par la touche finale. Beaucoup de pchit de parfum pour pas sentir comme les poubelles en fuite. Attention, hein, pas un parfum qui sent ta grand-mère. On veut que tu sentes la star, pas la mort. Wesh. Pour ça, moi, je conseille le mien, c'est-à-dire le Lady One Million. La bouteille, elle est en or. Alors, je suis peut-être pas riche, mais mon parfum, il lit. Lol. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous êtes aussi en bombe que moi. Même si j'avoue, ça m'étonnerait. Des barres. Je vous souhaite d'être de magnifiques papillons, mes ninis. Et n'oubliez pas de prendre des photos pour avoir des likes. Et pour que j'ai aussi des likes, n'oubliez pas de me taguer en fit. Je vous souhaite à tous, sauf à Jennifer, je la calcule plus être crasseuse. Donc du coup, je disais, je vous souhaite à tous plein de belles choses et de la moula pour cette nouvelle année. Bisous et cœur avec les doigts. Oh la vache! Voilà. Seigneur Marie-Joseph. Elle est toujours autant en forme. Hein. Elle a un grain, c'est pas possible. Et son petit lol. Elle a tout. Elle a un grain de voix. Elle a. Elle a un grain. Voilà. Il n'y a rien d'autre à savoir. Bon, les amis, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend le temps pour le Blanklet? Parce que là, va être 22h. Mais j'ai peur qu'on étale trop le Blanklet. On a peut-être le temps de faire une petite séquence si on prépare le texte qui n'est pas imprimé. Ah oui, je peux te ressortir le texte. On va le faire maintenant, mais bien sûr. Oh là là. En attendant, je vous fais un petit intermède musical. Bienvenue. Qu'est-ce qui se passe? On a le droit, mais il faut pas passer des musiques. Oh, mec, les musiques. C'est bon, on en passe toute l'année des titres, on a le droit d'enchaîner trois séquences d'affilée. Les musiques, ça devient des belles. Si tu enchaînes avec le Blanklet, on sera à 4. Les speaks sont trop longs. Fuck, ça va? D'accord. C'est dit. Merci. Oh, à un moment, nous, on prépare des trucs. Il y a des émissions qui doivent combler et mettre plein de musique. Et puis, il y a nous, on prépare trop. Et comme ça, on a plein de trucs à dire. Et puis, voilà, c'est compliqué de nous faire fermer nos gueules. Bon, allez. Excusez-moi, je suis peut-être un petit peu trop. Là, oui. C'était en interne ou c'était... Ah, on est à l'antenne. D'accord. Allez, direction l'émission enquête. Encore une fois, les policiers de l'émission sont tombés sur un sacré numéro. La raison de leur déplacement, un tapage nocturne. Bonsoir, c'est la police. Et qu'est-ce qu'on fait quand on dit bonsoir, c'est la police? En théorie, on ouvre. On ouvre. Oui, et on dit bonsoir, la police, messieurs les policiers. Qu'est-ce qui se passe, messieurs, mesdames, messieurs. Vous êtes là. Exactement. Bon, là, ici. Bonsoir, monsieur. Vous nous autorisez à rentrer? Non. Non. Ah, voilà. Et c'est ici que se referme cette émission. Attendez. Attends, mais le gars là. Non, je vais faire un petit accident. En trottinette, ça va très mal. Très mal. Voilà. C'était ça en fait. Voilà. Un petit nom dans la gueule, ça fait toujours plaisir. Et je trouve que c'est pas mal pour remettre en place les policiers. Oui. Un petit nom. Ouais, moi j'adore ça. Hein. Bonsoir monsieur, vous nous autorisez à rentrer? Non. C'est ici que se referme cette émission. Voilà, terminé. Pourquoi est-ce qu'on se crée court à faire des grandes émissions? Oh là là, et ça va. Allez. Faudrait faire pareil durant les fêtes. Est-ce que je peux venir à ta fête? Non. Est-ce que mes cadeaux sont sympas? Non. D'ailleurs, avant de démarrer le Blanklet, j'ai un petit chiffre pour vous, un petit sondage. D'accord. Oui. Quatrième séquence, Maëva. Non. Ah si, je t'en enchaîne une quatrième là. On va se faire engueuler. Notre info, m'en branle. C'est notre info de la semaine. Un Belge sur cinq est déçu de ses cadeaux, de ce qu'il reçoit à Noël. Un Belge sur cinq, c'est énorme. Ouais. Vous avez été déçu? Non, jamais. Moi non. Et vous mentez à l'antenne parfois? Oui, très souvent, tout le temps. Et on apprend aussi que dans tout ça, il y a 7 personnes sur 10 qui n'osent pas dire qu'ils sont déçus par leurs cadeaux. En même temps, c'est pas facile. Bah, faut être un peu culotté de dire ah, franchement, c'est pas tout ce que je voulais en faire. Enfin, c'est Britannique qui fait ça. C'est un cadeau en soi. Si tu reçois un cadeau, c'est déjà bien. Moi j'ai du mal à faire semblant, tu vois. J'ai du mal à faire je m'étonne même pas ça. Bah je suis pas hypocrite et alors je suis sans filtre. Il est nature peinture. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors vous m'aimez comme ça, non? Un petit peu au moins. Oui, oui. C'est parce que c'est la dernière, alors il se lâche. Il y a plus de filtre, rien. C'est vrai qu'inconsciemment. Et si on faisait une cinquième séquence derrière ça? Allez. Ça te va? C'est parti. Alors je te laisse l'annoncer. Le Music Machine? Oui, mais ça porte un nom. Le Blanklet. The Music Machine. The Music Machine. Music Machine. The Music Machine. Et faut arrêter. Hein. Quoi là, heureusement que c'est la dernière de l'année. Hein. Peut-être la dernière tout court et c'est pas plus mal. Waouh. Ça va manquer quand même à notre équipe de la radio là. Tous nos délires. Oui. Vous savez, genre quand ils disent qu'on est des forains beaufs. Ouais. Alors que. Hein. Votre DJ vous souhaite une très belle année 2024. Bonne année. Ah, c'est pas beau. Et c'était surtout gratuit comme jingle. Non, c'est vrai, il en a fait un deuxième. Mesdames et messieurs, toute l'équipe vous souhaite une superbe année 2024, pleine de bonheur, de musique et de très heureuses surprises. Wow. Bonne année. You got it, we do. Le truc ce soir, c'est Jadoul qui pilote. Tu l'as reconnu, yeah. C'est lui, oui. Ah, wow. Alors que le jingle où il dit Jadoul, ça nous a coûté une couille. Alors que celui-là était gratuit. Comme ça, tout le monde sait que Jadoul est monocouille maintenant. Notre musée de justice. Je suis maître lancin. Ouais. Bah. C'est déjà la nouvelle année. Bah oui. Et on vous a réembauché parce que la personne à qui on vous avait offert oui, n'a pas voulu de vous. Bonne année. Merci beaucoup. Vous avez dû quitter la haute. Oui, j'ai dû quitter la haute parce que... Rappel, pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre, on a offert Maître Ispa... Maître Le Feu. Maître Le Feu, on l'a offert à une auditrice. Je sais plus comment elle s'appelle. Leïla. Leïla qui a gagné Maître Le Feu. Et ça va. Alors, grosse ambiance ce soir. Qu'est-ce que vous avez prévu pour les fêtes? Un bain? Non, je commence à me frincer. Ah pardon, allez-y, Maître Le Feu. Quel est le programme de folie qui vous est réservé pour les fêtes? Oh ben, je compte retrouver une nouvelle hante pour me remettre dedans. Eh bien, c'est très sympa. On démarre ce Blanklet. Le principe est très simple. On prend des reprises de TikTok. Vous devez deviner titre, artiste. Rien de plus simple, c'est un blind test, mais avec des gens des très talentueux. Oui. Talentueux, s'il vous plaît. Oui, je vais peut-être ouvrir un compte TikTok un jour. Vas-y. On écoute la première manche. Le long chemin, tout blanc de neige blanc. Musique de Noël. Vive le vent. Merde. Vive le vent, qui c'est? Il y en a eu plein. Dalida. Bonne réponse. Vive le temps d'hiver. Waouh. Il va se calmer. Et ça se fait des fuck dans le film. Double fuck. Qu'est-ce que c'est ça? Est en train mais de... enfin. Une danse de la joie en faisant plein de fuck, franchement là. Mais en même temps, il a eu le nez fin parce qu'il aurait pu dire Jean-Baptiste Guégan. Vive le vent. Oui. Vive le vent. Oh yeah. Vive le vent d'hiver. C'est autre chose quand même. Vive le vent d'hiver. Par contre, la version TikTok, elle est nickel. Ah ouais, tu trouves? C'est là maintenant? Non. Ouais. Ça c'est TikTok. C'est TikTok ça? Ça c'est TikTok. Bah, si, c'est bien. Vrai, oui. C'est mieux que Guégan, hein. Tu m'excuseras. À force d'écouter des clètes du Blanklet, vous les trouvez bons. Non, ça franchement, bah non, elle est bien. Bah attends. Vive le temps d'hiver. Bah, ça on dirait TikTok. Une vraie chante. voilà. Allez, c'est un hommage. Hey, tu ne me vois pas? Non, j'ai disparu. Waouh. On y va, deuxième manche. Call Me de Blondie. Waouh. Oh. Ça, c'était impressionnant. Comment t'as pu reconnaître ça? Mais c'est du massacre à la chanson. Oh, coincé. Ouais, ça va, ça va, ça va, merci beaucoup. Attends, je la télécharge pour l'écouter dans la voiture. Voilà. Je suis maître le feu. Allez, maître le feu, il faut qu'on fasse un bon récap des points. Bonne année. Mais non, c'était tout à l'heure, ça. Ah, pardon. On veut le récap des points. Oh, Maëva est devant avec 2 et 1 pour Kings. Voilà, merci. Et on ne soulèvera pas que Maëva fait la pub pour les plateformes de streaming au lieu de dire qu'elle va écouter la radio dans la voiture en repartant. Allez. Voici la troisième manche. S'il vous plaît, on fait hommage. C'est le meilleur ami de Maëva là qui arrive. Ah oui. Attends, comment ça? Daily Miles. Ah, la nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel. Petit Papa Noël. Oui. Avant de faire les Seigneur aussi. Bonne réponse. Petit Papa Noël. Ah, c'est un changement d'ambiance quand même. J'aime bien que le Noël arrive en décalé, écoutez. Ça fait un peu country. Oui, mon épi de maïs. Avec des jouets par milliers. N'oublie pas mon petit soulier. Ah, ça donne envie de continuer à écouter quand même. Regarde, hein, il sait retenir son plus. T'as eu le nez fin, Maëva? Oui. Il aime bien cette expression. Bah oui, parce que t'aurais pu dire. Guégan. Mais il les a toutes faites. Jean-Baptiste Guégan. Quand tu te centres du ciel. Qui n'est pas la voix de Johnny. Je suis maître le feu. Merci Kix. Je vous propose qu'on fasse un petit récap des points avec Monsieur Maître le feu. Fire. Ça fait 3 pour Maëva et 1 pour Kix. Bah, c'est pas plus mal. On y va, on se fait la quatrième manche, c'est ça? Ouais. On y va. J'ai jamais vu une nuit aussi calme. J'ai le regard enchaîné, c'est Noël. L'homme pâle. Oui. C'est l'homme content. Titre. Décrescendo. Non. Non. On l'a fait il y a pas longtemps et c'était avec un autre TikToker et vous aviez buté aussi sur le titre. C'était exactement le même problème. C'est pas 1000 degrés, non. Super, maintenant tu vois, tu m'aimes bien de moi, non mais j'hallucine. Je sais déjà ce que la distance entraîne, soit c'est la guerre, oh là là. C'est la question. Attends, si, je sais. Ah, c'est énervant. Oui, et ce son est très énervant. Je laisse mon téléphone, attends, ne bouge pas. Non. Bah non. Bon, je prends quand même l'homme pâle. Ça va, Maëva? J'ai avalé ma salive. Vas-y, laisse-moi terminer sans elle, peut-être que je vais gagner. Ouais. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Le titre, c'était trop beau. Ah. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être vrai. Je n'avouerai jamais que certaines de mes propres émotions, mes frères. Non, il faut qu'il arrête la chanson, garçon. Je suis maître le feu. Plus en forme que jamais, c'est maître le feu qui va nous donner le récap des points tout de suite. Ah ouais? Bah oui, c'est votre rôle, vous êtes huissier de justice, maître le feu. Allez, dites-nous vite les points, s'il vous plaît. Ah ouais, ça fait 3 pour Maëva et 2 pour Kix. Bah c'est bien, ça veut dire que Kix peut encore égaliser et on fera une manche bonus. Bah ouais. Alors on y va, on se fait la dernière manche, concentrez-vous tous, on écoute. Tu sais... Kyo. Non. Trio. Il avait l'air sûr. Il avait l'air si sûr. Ah oh, putain, il a fait un faux départ, écoutez. Tu sais... Indochine. Tu sais, oui. Ce soir, j'ai vu tous les joyeux de la pop. J'ai même bu à outrance. Ah non, c'est la fête de trop. Comment il s'appelle? Ah oui, le belge. Ah merde. Mais il est pas belge. Il est pas belge en plus. Il est roux. Eddie de Préto. Bonne réponse. C'est la fête de trop. Moi, je l'ai fête, des fêtes et ça jusqu'au fiasco. Ok. Kix, j'ai envie de t'en plafonner. Non, mais je confonds toujours avec. Oui, avec Ed Sheeran. Non, rien à voir. Pierre Demar, il y a Loïc Notet, et à chaque fois, je sais pas pourquoi, je pense qu'Eddie de Préto est belge. Ah non. C'est la fête de trop. Moi, je l'ai fait des fêtes, et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, j'ai bu de paillettes et me réduis au chaos. Je suis maître l'enfant. Mettre le feu, j'attends un verdict précis et puissant concernant ce blanklet incroyable. Je vous écoute, mettre le feu. J'arrive. Ouais, mais arrêtez, parlez près du micro, j'en ai marre ici. Moi, je m'endormais. Moi, ça fait 4 pour Maëva et 3 pour Kix. Voilà, et c'est tout? Ben ouais. Ben du coup, Maëva, elle a... Moi, je pensais que c'était à égalité, moi. Non. Donc ça y est, on peut dire officiellement que là, Maëva... Bon, on en est. Mais non, pas encore. On peut dire que Maëva a gagné, alors? Non, pas Maëva. T'as gagné. C'est vrai? Oui. T'es heureuse, ça fait longtemps, non? Ouais, c'est vrai que ça faisait plusieurs fois à cause d'Antoine, et même une fois à cause de Kix, évidemment. Ouais, mais Antoine est très fort, hein. Ouais. Il faut quand même signaler que... Très fort. Les deux, là, tu vois, comment tu veux que je gagne quand il y a deux joueurs comme ça? C'est impossible. Allez, petite musique de gain pour célébrer ta victoire, Maëva, tu l'as bien mérité. Tu es à misogyne. Ça m'a demandé. Ok. Non, elle a pas dit que t'étais un misogyne. Elle a dit que parfois t'avais des blagues misogynes. On est obligé de le redire à l'antenne, ça? Oui. Ah, pour le nouvel an. D'accord. Ah bah c'est bien. Ça va fort. Je prends la vie à pleine dent. Non, mais tu sais qu'elle a raison parce que. On a qu'une maman. Une maman. Waouh. Oui, ça va, madame, merci beaucoup. Du coup, je peux avoir une vraie musique de victoire ou... Oui, bien sûr. Bah, ça, écoute, il suffit vraiment de demander ça. On va s'amuser, faire les fêtes, déconner, chanter. Ouais. C'est bien ça, Maëva, t'es contente, non? Ouais. Bah, ça suffit pas, il te faut autre chose. Bah, ça a l'air d'enjailler et mettre le feu, donc. Ouais, moi, là, je m'amuse. On va s'amuser. Ouais. Bah, allez, voici une autre. Non, toujours pas, d'accord. Bon, bah... C'est à l'envers ou c'est en allemand? C'est en allemand, c'est pas à l'envers. Ah. Bien joué. Heureusement qu'elle en a pas demandé une autre parce que le dernier son que j'avais en stock c'était. Oh non. Oh. Oui, non, ça va. Oh, merci, oh là là. Quelle soirée qu'on a passée ensemble. C'était un vrai, vrai, vrai plaisir de vous accompagner. Mais c'était un vrai plaisir, je peux, d'avoir passé cette année avec vous. Et je vous souhaite vraiment une très bonne année. Oh. Et merci de faire partie de ma vie. Et voilà, je vous aime. Cœur sur toi, cœur. Cœur sur toi. Tu le vois, le cœur? Regarde, je colle mes doigts pour faire un cœur. Oui, regarde, on peut coller nos mains ensemble. Tends le bras, tends le bras. Oui, mais non, mais si je colle mes mains avec les tiennes, tu vas voir qu'elles vont vraiment coller. C'est ça le problème quand on a la diarrhée. Quand on est. Oh. Pardon. Oh, et ça va. Allez, merci de nous avoir. Merci de nous avoir suivis, l'air de rien. En 2023, on a fait une année entière d'émissions. Ouais. Sans pause. Ouais, sur les deux saisons là qu'on a passé ensemble. Si on a fait des pauses, je suis bête. C'est génial. Oui, on a eu les vacances d'été. Ouais, mais sinon, on est toujours là, même pendant les jours fériés. Et ça, c'est quand même très fort, il faut le signaler. Bah ouais. C'est fort. Très fort. Très fort. Très très fort. Et ça, c'est fort. Et ça se mange en fort. Super fort. On arrête là. Je vous propose qu'on ferme la boutique pour aujourd'hui. Oui. On se retrouve l'an prochain? J'espère. Bah oui. Ou je ne sais pas. Tant qu'on est à 3. Et mettez dans le doute la radio mercredi prochain à 20h et puis on s'en va. On va ouvrir une radio pirate en plein milieu de la rue. On est déjà pas loin de ça. Des bisous. Bonne année. Ciao, ciao. Bisous, bonne année. Jadoul revient mercredi prochain.